Mesdames, messieurs, la radiodiffusion télévision française vous invite à écouter par transmission différée le spectacle du Théâtre Antoine à Paris, directrice Madame Simone Berriot. Dans quelques instants, vous pourrez écouter La main passe, pièce en quatre actes de Georges Feydeau, décor et costumes de Suzanne Lalique, mise en scène de Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française. Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli, de ce jour te voilà mariée. Ce matin t'as fait femme devant la loi, cette nuit te fera femme devant la nature. C'est pas mal ça. Combien cette pensée me trouble, moi qui sais de quoi il retourne. C'est moi. Et je ne suis pas près de toi lors d'une pareille épreuve. Hélas, un océan nous sépare. Je veux du moins que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de mère. Oh, mais veux-tu? Tu vas connaître le grand mystère à quoi rêvent les jeunes filles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tais-toi donc. Oh, oh, monsieur est à la grâce. Mais vas-tu taire, non achet, comment veux-tu que je parle au phonographe? Je m'en moque de ton phonographe. A-t-on idée de cette invention idiote? Oh. De choisir le salon pour parler dans le phonographe. C'est extraordinaire, cette manie de parler, tu ne peux pas te taire. Voilà un cylindre gâché. Oh. Bonne perdue! Non, non, pas 10 de retrouver. Les proverbes, ça me dit que des bêtises. Et toi aussi. Quoi? Enfin, tu vois, quand je suis en train de parler dans mon instrument. Mais qu'est-ce que tu lui disais à ton instrument? Eh ben, je lui disais rien. Et seulement, tu arrives là. Je prononçais le discours que j'avais préparé pour Caroline, à l'occasion de son mariage avec son Yankee. Et tu te mets à jacasser. Alors, naturellement, le phonographe, ce pauvre instrument, il ne sait pas. Il ne distingue pas, il enregistre ce qu'il entend. Elle est bien bonne. Alors tout ce que nous avons dit, ça y est. Ben tiens, si tu en doutes, voilà. Ma chère, ainsi c'est un fait accompli, de ce jour, te voilà mariée. Ce matin, t'as fait femme devant la loi, cette nuit, te fera devant la nature. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est toi qui le dis. Ah oui. Combien cette pensée me trouble, moi, c'est de quoi il en joue. C'est moi. Ah, c'est toi, oui. Et je ne suis pas près de toi lors d'une pareille épreuve. Hélas, un océan nous sépare. Je veux du moins que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de maître. Tu vas connaître le grand mystère à quoi rêvent les petits. Mais t'es fait où? Oh, monsieur est à la grâce. Mais vas-tu taire, mon achien? Comment veux-tu que je parle au phonographe? Je m'en moque de ton phonographe. A-t-on idée de cette invention idiote? Oh. Voilà. Voilà ton œuvre. Je n'ai jamais dit un mot de tout ça. Oh. Non. Non, eh bien, dis tout de suite qu'il ment. Je n'ai jamais dit en parlant du phonographe, a-t-on idée de cette invention idiote, ce qui serait idiot. J'ai dit, a-t-on idée de cette invention idiote de choisir le salon pour parler dans le phonographe. Il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Enfin, ça, c'est un détail, c'est pas de sa faute à lui, j'avais coupé. Quand on ne sait pas, on se tait. C'est comme ça qu'on fait des potes. Bon, eh bien, je te fais ces excuses, là. Quant à ton cylindre, eh bien, tu le recommenceras. D'autant que ce ne sera pas un mal si ça te permet de supprimer ta phrase sur les mers. Sur les mers? Oui, oh oui. Je veux que ma voix traverse les mers pour t'en donner les conseils de mère. Tu trouves ça spirituel? Ben quoi, c'est drôle, c'est une saillie. Justement, on n'envoie pas une saillie au mariage de sa sœur. Oh. C'est pas le frère que ça regarde. Charmant, charmant. Ah, oh, c'est comme ce qui suit. Quoi? Ah oui, ce matin, t'as fait femme devant la loi, ce soir, te fera femme devant la nature. Tu trouves ça convenable à dire à une jeune fille? Bon, écoute, laisse-moi tranquille, tu n'entends rien à l'art des préparations. Va-t'en plutôt te mettre à table. Tiens, seul, qu'on te serve, il y a longtemps que j'ai fini de déjeuner, et toi, tu n'as pas encore commencé. Il n'y a pas de maison possible si monsieur déjeune à une heure et madame à une autre. Mais tu n'avais qu'à m'attendre, je n'ai pas pu rentrer plus tôt. C'est ça, c'est moi qui suis dans mon tort. Oh. Madame voudrait déjeuner. Bien, monsieur. Mais enfin, qu'est-ce que tu peux faire dehors? Et c'est tous les jours la même chose. Tu es sorti depuis 9 heures. C'est heureux, ça m'a permis de rentrer moins tard. Non, vraiment, c'est à se demander si... Quoi? Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Non, mais dis tout de suite que j'ai un amant. Ben, ma foi. Oh, as-tu l'esprit assez perverti pour voir toujours le mal dans tout? Un amant. J'ai un amant, maintenant. Oh. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ce geste? Mais non, ma pauvre enfant, je le sais très bien que tu n'as pas d'amant. Ah? Un amant, toi? Oh, je suis bien tranquille. Et pourquoi ça, je n'aurais pas d'amant? Mais parce que tout en toi démontre le contraire, parce qu'il y a des femmes qui sont faites pour avoir des amants, et d'autres qui ne le sont pas. Oh! Je n'ai pas vécu 5 ans avec toi sans te connaître à fond. Enfin, tu n'as pas de tempérament, que diable, je le sais bien. Oh, c'est comme ça. Eh bien, je ne voulais pas te le dire, mais puisque tu m'y forces, eh bien, j'ai un amant, là. Oui, dame. Parfaitement. Et que j'aime et qui m'aime. Ah non, tiens, ose donc me le dire en face à moi que tu as un amant. Oh, tiens, tu m'agaces. Ah, tu vois bien, tu n'es qu'une grosse bête, là. Monsieur, c'est un monsieur qui demande monsieur. Monsieur Hubertin, tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Faites entrer. Qui est-ce? Un collègue du cercle. Monsieur Hubertin. Bonjour, mon cher. Bonjour, cher ami, monsieur Hubertin, camarade du Sporting. Madame Chanel. Madame, enchantée. Monsieur. Mais si je ne me trompe, madame, c'est pas la première fois que... Vraiment, monsieur? Mais oui, plus je vous regarde... Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un dans ma maison? Ah, mon Dieu, monsieur, c'est que j'ignore où vous demeurez. Et 21 rue du Colisée? Non, non, non. Vous faites erreur, monsieur. Ah oui, ça, vous faites erreur, nous n'y connaissons personne. Ah, pardon, erreur n'est pas à compte. N'est pas à compte, oui, oui. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Mille grâces, je ne veux pas abuser de vos instants. Vous ne devinez pas, les dettes de jeu se paient dans les 24 heures. Et je suis votre débiteur. Oh, mais il ne fallait pas vous déranger pour ça. Ce sont des règles qui sont faites pour les professionnels, mais qui ne sauraient avoir force de loi entre gens qui se connaissent. Bah, du tout, du tout. Les bons comptes font les bons amis. Et puis, vous l'avouerez, j'ai quelques scrupules à considérer la partie que nous avons faite ensemble comme bien régulière. Il me paraît que nous n'avons pas joué tout à fait à chances égales. Mais pourquoi donc ça? Enfin, je ne sais pas, mais il me semble que... Ah oui, je vous comprends. Parce que j'étais pochard, hein? Non, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Ah, laissez donc, j'ai le courage de mes actes. Oui, madame, j'ai pris l'habitude tous les jours, à partir de 5 heures, d'avoir ma petite bombe. Ah, c'est pas du vice chez moi. Non, c'est de l'américanisme. Ah, alors? Oui, j'ai longtemps fait des affaires en Amérique. Or, là-bas, qui dit affaire, dit bar. Tout se traite au whisky. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il a bien fallu que je me mette au diapason pour mes affaires. Seulement, voilà, mon estomac, lui, est devenu américain. À partir de 5 heures, il réclame ses whisky. Mais ma tête, elle sort bif d'où conflit. Et finalement, comme c'est toujours ma tête qui est la plus faible, c'est toujours elle qui faiblit. Voilà. Comme vous le voyez, madame, mon cas est tout à fait spécial. On ne peut pas dire que je me pocharde. Non, je m'américanise. Oui, oh, mais c'est tout à fait autre chose. Ah, tout de même, j'ennuie bien ma femme. Ah, mon Dieu, monsieur, je n'aurais pas osé, mais du moment que vous le dites, j'avouerai que je la comprends un peu. Mais oui, n'est-ce pas? Voilà une femme qui vous avale 10-12 whisky à la queue leu-leu, ça ne lui fait rien. C'est une américaine, pas vrai? Alors de quoi ai-je l'air à côté d'elle? Ah, c'est toujours embêtant de se trouver en état d'infériorité vis-à-vis de sa femme. Oui, évidemment. Évidemment. Bon, alors, nous disons, je vais vouloir 35 louis. Allez, voici 1000 francs. Et pour en revenir à la question de jeu, que votre délicatesse ne se prête pas en émoi. Je vous assure que quand je suis dans l'état que vous savez, je suis tout aussi lucide qu'à l'état normal. Je le suis même davantage... Je vois double. Diable, mais c'est quelquefois mauvais pour compter les points. Mais du tout, je ne sais, pas vrai. Alors, rien de plus simple, je divise par 2. En effet, en effet. Mais là, je vais vous chercher votre monnaie. Mais je vous en prie, monsieur Chanel. Vous monsieur Coustouillu. Coustouillu, faites entrer. Mais quel Coustouillu? Mais lui-même, le seul Coustouillu, le député, le leader de l'opposition, le fameux tribun. Oh, je serais très heureux, j'admire tellement son éloquence. Vous permettez, madame? Mais comment donc? Entre, mon vieux, justement, on parlait de toi. Ah, attends, je vais fermer la porte. Mais laisse donc, Étienne fermera. Mais non, ne te trouble pas, voyons. Madame, Germain. Mais non, c'est le contraire. Oui, bon, ça va bien, ça va bien. Tiens, je te présente monsieur Hubertin, qui désire vivement faire ta connaissance. Ah, certes, permettez-moi, monsieur, de me dire l'un de vos plus fervents admirateurs. Mais dépose donc ça, de quoi as-tu l'air? Oui, je sais bien qu'à cette époque-ci, c'est une primeur, mais enfin, tu n'es pas fou. Tu sais que tu es déjà emprunté dans tes mouvements, et tu vas te coller une botte d'asperges sous le bras pour faire tes visites. Non, va donc poser ça dans l'antichambre. Bravo, pauvre garçon. C'est inouï d'être timide comme ça. Ah, ça, j'en suis ahuri. Devant une assemblée, personne n'est plus à l'aise. C'est un foudre d'éloquence. Il est là, devant nous trois, plus personne. Et il est timide au singulier et audacieux au pluriel. Alors, si ce n'est pas le moyen de le mettre à son aise que de le taquiner tout le temps. Ah, te voilà, tu as déposé ta botte. Non, mais, tu ne te sens pas plus à ton aise comme ça? Oh, si, si. Pour madame. Pour moi? Oh! on se coustouille. Mais attends. Monsieur Coustouillu. Mon pauvre vieux. C'était pour nous et moi qui te blaguais tout à l'heure parce que tu étais grotesque avec. C'était pour nous, une botte d'asperges au mois de mars. C'est de la folie. Mais c'est très gentil. Non. Je veux dire qu'on les fasse pour ce soir. Et vous viendrez les manger avec nous. Mais. Pour l'instant, je vais vous chercher votre bonnet. Allez, je vous en prie. Vous devez prendre pour un imbécile, n'est-ce pas? C'est à moi. Si, je sais ce que je dis. Eh bien, il est possible que j'ai pu en avoir l'air. Mais vous saurez que je ne le suis pas. Hein. Mais jamais, monsieur. Oui, on sait. Je vous montrerai moi que je ne suis pas un imbécile. Je voudrais bien voir quelqu'un qui vienne me le dire en face. Je lui ferai voir moi si je suis un imbécile. Vous, mais tout le monde le sait bien. Je suis un imbécile? Mais oui. Ah non! Qu'est-ce que vous me faites dire, un imbécile, vous? Mais qui oserait penser ça? Oui, ça va. Enfin, vous qui soutenez un ministère ou le renversez comme un château de cartes? Oui, eh bien, je l'engage à bien se tenir, le ministère. J'ai l'air d'un imbécile. Eh bien, moi, dites-moi au ministère, je lui ferai voir si je suis un imbécile. Ça me soulagera. Qu'est-ce qu'il a? Mais vous ne me connaissez pas. Je monterai à la tribune. Et vous ne savez pas ce que je lui dirai à la chambre? Eh bien, je lui dirai, missionnaire, messieurs! Mais qui est-ce qui criait donc comme ça? C'est vous, monsieur? Non, c'est monsieur. Vous, monsieur Coustouillu, c'est pas possible. Oui, Cher monsieur, voici votre monnaie avec mes remerciements. Mais comment non, c'est moi, au contraire. Alors, au revoir, cher monsieur. Comment vous partez? Je vous laisse, oui. J'ai rendez-vous avec des gens pour affaires. Alors, il vaut mieux que je les voie maintenant. Qu'après 5 heures, oui. Ça, vous l'avez dit. Monsieur, très honoré de vous faire votre connaissance. Eh bien, Coustouillu. Bah, il faut redescendre, mon vieux. Monsieur qui est très honoré, etc. Ah, monsieur, pardon. À la bonne heure. Madame. Là, et maintenant, Francine va déjeuner. J'y vais. Et puis tiens, maintenant, Coustouillu avec toi. J'ai mon cylindre à terminer, ça ne m'abuserait pas. Hein? C'est ça, venez avec moi, monsieur Coustouillu, je vous emmène. Venez. Chanal reste seul, remet en marche le phonographe enregistré. Ma chère sœur. Ainsi, c'est un fait accompli. De ce jour, te voilà mariée. Tu vas connaître le grand mystère. À quoi rêvent les jeunes filles? Monsieur. Mais allez-vous vous taire, mon nom? Monsieur. Quoi, vous ne voyez pas que je parle? À qui? Mais pas à vous, en tout cas. Est-ce que ça vous regarde? C'est à croire que c'est une gageure, ma parole. Madame d'abord, vous après. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, c'est un monsieur qui demande à parler à monsieur. Eh bien, je m'en fiche de votre monsieur, il m'embête. Quoi, qu'est-ce qu'il me veut? Voici sa carte. Eh bien, je m'en fiche de sa carte comme de lui. Je n'y suis pas personne. Vous m'entendez? Allez lui dire qu'il m'embête. Je suis vraiment confus, monsieur de Bois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais pas du tout, monsieur, mais je vous en prie. Mais je vous assure, monsieur, si vous êtes occupé, je peux revenir. Mais du tout, qu'est-ce qui peut vous faire supposer, mais comment donc? On n'est pas plus aimable. Et en quoi puis-je vous être utile? Et c'est à monsieur Chanal que j'ai l'honneur de parler. Parfaitement. Monsieur Chanal, propriétaire de cet immeuble. Oui, enfin, l'immeuble appartient à ma femme, mais est en chef de la communauté. Ça n'a rien de même. Eh bien, voici, monsieur, j'ai vu que vous aviez l'entresol à louer. En effet, monsieur. Je cherche justement un pied-à-terre, et cet appartement me conviendrait. Ah, vous l'avez visité? Oh non, c'est inutile, il me convient comme ça. Ah? Il est de? Il est de... Hein? De 3008. Mettons 4000 en chiffrons. Comment? Je dis, mettons 4000. Comment mettons 4000? Vous ne m'avez pas compris. Mais si, ça m'est plus commode. 4000, c'est clair, c'est net, c'est divisible par 4. Ça fait 1000 francs par trimestre, pas de calcul à faire. On sait toujours ce qu'on a à donner. J'aime mieux ça. Laissez-moi ça à 4000, qu'est-ce que ça vous fait? À moi, rien du tout. Va pour 4000, je ne veux pas vous contrarier. On n'est pas plus aimable. Maintenant, s'il y a des réparations à faire... Je m'en charge. Moi aussi. Ah bien, seulement je dois vous avertir d'une chose. À vous voir si arrangeant, il m'est permis de supposer qu'une arrière-pensée... Et quoi donc? Eh bien, voilà, je comprends très bien qu'un homme, mon Dieu, on n'est pas de bois. Seulement, je vous l'ai dit, l'immeuble étant à ma femme, sur la question de moralité, dame... Enfin, au terme du bail, vous devez habiter bourgeoisement. Mais je l'entends bien ainsi. Ah! Je n'ai aucunement l'intention d'amener les femmes du Nord. Oui, oh, vous savez, entre nous, n'est-ce pas, il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre, il viendrait une dame par hasard. Mais non. Oh, mais je ne dis pas ça pour vous inciter à mal. Mais enfin, vous auriez une relation que le concierge n'aurait pas à savoir, si c'est votre mère ou votre sœur. Mais aucune relation. Pas plus avec ma mère qu'avec ma sœur. Voyez, bien, monsieur, que je n'ai jamais pensé. Je vous certifie, monsieur, que jamais votre concierge ne verra entrer une femme chez moi. Mes compliments, monsieur, je vois que nous nous accorderons sans peine. Dieu merci, si tous les locataires étaient comme vous, le métier de propriétaire serait plus agréable. Oui, oh bien, vous savez, tel qu'il est. Et c'est encore tout de même celui qui trouvera le plus d'amateurs. Oui, il est drôle. Dites-moi, j'ai là des beaux tout préparés. Désirez-vous que nous signions tout de suite? Très volontiers. Si vous voulez bien me donner votre nom. Mais sur ma carte. Oh, c'est vrai, pardon. Émile Massenet, tiens. Non, homonyme. Oui, oui, oui, je vois. Non, non, mais c'est... Ah, mais c'est comme l'a fait tout le temps. Massenet. Vous n'avez pas été élève à Saint-Louis? Ah oui, jusqu'en seconde. C'est ça, moi aussi. Oh, elle est bien bonne. Chanal. Tu te rappelles pas, Chanal? Chanal. Mais si, voyons, idiot. Vous dites? Oh, pardon. Non, non. Allez, non, allez, non. Du moment que nous avons été camarades. Seulement, n'est-ce pas, sur le moment, la passe a été si rapide, j'ai été pris au dépourvu. Mais un instant, le temps n'est rien. C'est ma tunique de potache, et ça va aller tout seul. Alors, tu disais non? Idiot. À la bonne heure, toujours le même, vieux copain. Non, mais je disais, tu ne te rappelles pas, Chanal? Attends donc, ça n'est pas un petit dont on disait que son père était cocu? Mais non, voyons, c'est moi. Ah, bon. Oh, mais oui que je suis bête. Mais je ne sais bien parler que c'est toi, puisque je suis ici. Où avais-je la tête? À la bonne heure, tu me reconnais, hein, vieux copain. Oh, et ben tu sais, il n'y a pas, moi, ça me fait plaisir de te revoir. Eh ben, moi aussi. Il n'y a pas quand on a usé ses fonds de culotte ensemble au collège et qu'on se retrouve. Eh ben, tu sais, on se fait de nouvelles connaissances dans la vie. Mais un camarade d'enfance, ça ne se refait pas. Surtout à notre âge. Oui, c'est vrai. Ah, c'est loin tout ça, mon Dieu. Oh, non, mais assieds-toi donc. Merci. Ah, ce bon Massenet. Tu te rappelles Bourrache qui était si rigolo? Oui. Oui, eh ben, je le vois quelquefois, oui. Oh, eh ben, et Poteau, tu te rappelles Poteau? Non. Mais si, qu'il y avait une sœur qui venait au parloir, une sœur qui nous faisait de l'œil. Me voyons, elle louchait. Même que ça lui permettait de faire de l'œil à deux élèves à la fois. Tu te rappelles pas, Poteau? Pas du tout. Oh, c'est drôle, ça. Eh ben, il est mort. Poteau est mort? Oh, pauvre Poteau. Ouais. C'est triste, hein, à notre âge. Oh, et de quoi? Bon, d'une affection au cœur. Au cœur? Pour une actrice qui avait trop de tempérament. Oh, c'est ça qui l'a tué. Un jour, après déjeuner, on lui avait pourtant dit que sur la digestion... Aïe. Ah, ben oui, ça n'a pas traîné. Oh, il a été enlevé sur le coup. Sur le coup? Hmm? Pauvre poteau. Eh oui, c'est... Mais au fait, qu'est-ce que tu me chantes? T'as pas pu le connaître, poteau, puisque c'est en Henri IV que j'étais avec lui. Ah bon? Non, mais je me disais aussi. Mais alors, je m'en fous. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il soit mort, poteau? Ben, c'est vrai, puisqu'il était en Henri IV. Non, d'ailleurs, je peux bien dire que du collège, je ne vois plus personne. Il n'y en a guère qu'un avec qui j'ai conservé des relations. Un qui a fait son chemin, celui-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est le député Coustouillu. Coustouillu? Oh, c'est pas bien! Il est ici! Ici? Oui, oui, en train de tenir compagnie à ma femme. Oh, c'est un de mes amis intimes. Il ne décolle pas de la maison. Ah non, non. Ah ben ça, c'est curieux. Moi, je suis très lié avec lui, mais je vais parler de toi. Oh, ben cependant. Ah, tu le connais? Oui. Ah, eh bien, le malheureux. Crois-tu que son amour le met dans un état? Son amour? Il a un amour? Comment, il te l'a pas dit? Non. Mais il parle que de ça. Un amour sans espoir. Oh, par exemple, pour qui? Ah, ça. Je sais que c'est une femme mariée. Voilà tout. Coustouillu, c'est la discrétion même. Il m'entretient de ses intrigues, mais anonymement. Eh ben, moi, il n'en a pas ouvert la bouche. Non, mais est-il bête de faire des cachotteries comme ça avec moi? Sans compter qu'à lui tout seul, il n'arrivera à rien. Ben, c'est bien ce qu'il aura. Tandis que moi, j'aurais pu lui dire ce qu'il y avait à faire. Je connais la femme. Ah, tu connais la femme? Oui, enfin, je connais la femme en général. Mais enfin, quoi? Qu'est-ce qui le gêne? Le mari? Bah, d'abord... Oh, la belle affaire! Quand il y aurait un cocu de plus... Ah non, écoute, je ne voudrais pas non plus le faire meilleur qu'il l'est. Non, je crois que le mari n'est que la raison secondaire. Au besoin, il passera très bien par-dessus. Oui. Mais ce sur quoi il ne serait passé, c'est sa sotte timidité. Ah, le malheureux, il n'a pas de chance. Dès qu'il est amoureux d'une femme, il n'y a plus personne. Tant qu'il n'est pas arrivé à ses fins, il est comme un idiot. Et naturellement... Par simple réciproque, tant qu'il est comme un idiot, il n'arrive pas à ses fins. Ce qui fait qu'il suffit qu'il soit épris d'une femme pour être sûr de se brosser. Oh, le pauvre bougre! À moins que... à moins que par une de ces coïncidences ou inespérées, la femme n'en vienne elle-même à faire les avances ou à le prendre de force. Oui, ce qui est peu probable. Ah oui, surtout avec la femme mariée en question. Ah. Il paraît qu'elle ne fait pas plus attention à lui que s'il n'existait pas. Oh. Alors lui, il est annihilé quand elle est là. Il rougit, il bafouille, il n'ose pas ouvrir la bouche, il ne sait pas où se mettre. Oui. Oh ben, tu sais, il est comme ça ici, alors. Ah, il est... Mais dis non. Ah non. Si. Oh, ben elle serait paumée, celle-là. Mais dis donc, la femme mariée, c'est peut-être ma femme. Sa femme? Mais oui, son trouble devant elle, ses bafouillages. Je m'explique maintenant. Oh non. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? En voilà une idée. Est-ce que j'aurais été te raconter? Oh, ben j'ai fait un joli coup, moi. Si tu vas maintenant te fourrer dans la tête que... Oh là là, en voilà une gaffe. Mais laisse donc, je trouve ça très drôle, au contraire. En somme quoi, il est amoureux de ma femme? Eh bien, où est le mal, tant que ça ne va pas plus loin? Et comme ma femme est une femme honnête... Ah oui, ça... Oui, toi, tu dis ça, tu n'en sais rien, tu dis ça par politesse, mais moi, je le dis parce que je la connais. Par conséquent, de ce côté-là, je suis bien tranquille. Quant à Coustouillu, pas dangereux. Oh non. Tant que je le verrai bafouiller avec ma femme, je pourrai être tranquille comme Baptiste. Comme tous les Baptistes réunis. Coustouillu, amoureux de ma femme. Oh, que c'est drôle, ça. Oh, il faut que je lui dise ça pour la faire rire, moi. Francine! Mais surtout pas un mot à Coustouillu, il ne me le pardonnerait pas. Oui, bien, ça va de soi, pauvre garçon, il en aura une congestion. Comme poteau. Oui, c'est ça. Mais préventif, celle-là. Naturellement. Eh bien, Francine, viens. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça alors, tu ne devineras jamais. Après toi, tomber de ton haut. Et pourquoi ça, mon Dieu? Monsieur? Ah oui, c'est vrai, mon ami Massenet, Émile Massenet. Très heureuse, monsieur. Vous portez là un nom. Voilà, ça y est. Est-ce que vous êtes parent de musicien? Mon Dieu, non, madame, je n'ai pas cet honneur. Mon nom s'écrit AY. Ah, je le regrette pas. Moi aussi, madame, mais c'est la faute à l'AY. Ah, putain, quoi, AY, quoi, Massenet? Tu as l'air étonné. C'est Massenet qui sort de Saint-Louis? Bah oui, tu sais, moi, je n'en sors pas. Non, tu ne sais pas ce que je viens d'apprendre. Non, mais tiens, tu vas bien. Coustouillu est amoureux de toi. Qui est-ce qui t'a dit ça? Massenet. Monsieur? Non, permets, non, je n'ai pas voulu dire une chose que je ne savais pas. J'étais convié que Coustouillu était tellement épris d'une femme mariée que lorsqu'il était en sa présence, il en devenait complètement idiot, voilà tout. Alors toi, tu m'as répondu, c'est ma femme. Ça n'est pas du tout la même chose. Oui, enfin, tout ça, ça revient au même. Ah, eh ben, j'espère qu'en voilà une bonne. Tu ne t'en serais jamais douté, toi. Moi, mais je le savais. Ah, tu savais qu'il était amoureux de toi? Madame. C'est pas possible, ça. Il t'a fait des déclarations? Jamais, c'est bien pour ça. On peut douter de l'amour d'un homme qui vous dit « je vous aime », mais on peut être certaine de celui qui fait tout pour vous le cacher. Eh ben moi, je ne m'étais aperçue de rien. Mais toi, tu es un mari. Tu ne peux pas avoir la prétention de voir les choses avant les autres. Oui. Vous êtes caustique, madame. Oui, elle a un peu raison dans l'espèce. Oh, mais à la réflexion, il y a des tas de choses qui m'ouvrent l'esprit. Tiens, tout à l'heure, les asperges. Les asperges? Oui, et l'autre jour, les brugnons. Fuir-toi, ma femme n'a qu'acheté un mot en l'air devant lui, dire « Ah, j'ai vu de beaux brugnons chez un tel. » Ou « Tiens, je mangerai bien des asperges. » Crac, 2 heures après, tu vois mon Coustouillu revenir avec une corbeille de brugnons ou une botte d'asperges. Vraiment? Oui, je n'ose plus rien dire. Et il n'y a pas, hein, il ne fait ça que pour elle. Tiens, l'autre jour, moi, j'avais des douleurs dans le ventre. Je dis devant lui, oh, j'aimerais bien avoir un cataplasme. Il n'a pas bronché. Si ça avait été ma femme, oh là là, il m'aurait plutôt posé lui-même. Tu es bête. Oh, mais tu auras l'occasion d'observer maintenant que nous allons nous revoir. Avec qui je ne t'ai pas dit. Massenet, je viens de lui louer l'entresol. Ah. Oui, au fait, je vais préparer le bail. Tu m'attends 5 minutes. Je t'en prie. Bon, alors, tenez-vous mutuellement compagnie. Je reviens dans un instant. Tu as loué l'entresol? Oui. Oh, chérie, comme c'est gentil. Dis que j'avais pas une bonne idée. J'ai vu si troublée hier d'être venue chez moi à l'Ucolisée. Si tremblante, à penser que peut-être on t'avait aperçu. Mais comme j'avais raison, regarde un peu. Juste un ami de mon mari qui demeure dans la maison. Non. Oui, qui est venu tout à l'heure. Il m'a vu entrer ou sortir. Alors la fâcheuse gaffe, heureusement mon mari n'y a pas fait attention, mais enfin vois-tu tout de même. Oh là là, ne m'en parle pas. Ah, mais maintenant plus rien de tout ça à craindre. Plus le risque d'être vu, d'être compromise. Tu n'auras plus à sortir de chez toi. Nous nous aimerons ici, dans la maison. C'est bien plus pratique. Oh oui. Et plus convenable pour mon mari. Oh, mon chéri, je t'aime. Ma Francine. Entrez. Il est certain qu'au Galerie Lafayette, le sort des demoiselles de magasin. Pardon, je suis toujours là. Oh, c'est vous, monsieur Coustouillu, mais entrez donc. Oh, pareil, c'est vrai. Bonjour, Goustouillu. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, mais tu vois, je suis venu rendre visite à mon ancien camarade de collège, Chanal. Et il m'a fait l'honneur de me présenter à Madame Chanal. Monsieur Massenet, Madame Chanal. Je te dis qu'il m'a présenté, c'est fait. Mais pourquoi es-tu l'air si troublé? Non, mais c'est faux, non. Non, mais qu'est-ce que tu vas croire? Ce n'est pas elle qui, voyons, c'est vrai. Mais quoi, ce n'est pas elle qui? Ce n'est pas moi qui, quoi? Non, rien. Vous vous apprêtiez à sortir, monsieur Coustouillu? Non. Ne vous gênez pas pour nous si vous avez affaire dehors. Je peux remettre. Coustouillu, dans son trouble, manque de temps. Mais qu'est-ce que nous disions donc, monsieur Massenet? Ce que nous disions? Qu'est-ce que nous pouvions bien dire? Ah oui, vous me disiez, madame, que vous aviez remarqué un melon chez Potel et Chabot et qu'il vous avait fait envie. Moi? Si vous le permettez, madame, en sortant d'ici, je cours chez Potel et je vous le rapporte. Oh, mais c'est trop aimable, monsieur. Où allez-vous donc, monsieur Coustouillu? Non, rien. J'en viens tout de suite. Et voilà. Ça n'est pas plus malin que ça. Comme tu as de l'esprit. L'amour en ta génie. Oh, je t'aime. Si tu savais comme je suis heureuse depuis 24 heures, depuis que c'est fait. J'ai envie de crier mon bonheur à tout le monde. Aux passants, aux domestiques, à mon mari. Ah non! Oh, quel dommage qu'on ne puisse pas avoir un amant sans tromper son mari. Bah oui, mais ça... Ça gâte la moitié du plaisir. Alors, tu as des regrets? Des regrets, moi? On regarde dans mes yeux si j'ai des regrets. Chérie. Et dire pourtant que je ne voulais pas, que je faisais les manières. Au fond, tu sais, je n'en pensais pas à un mot. Mais n'est-ce pas, on a reçu les principes, on ne peut pas comme ça, dès qu'on vous le demande. Il faut un temps moral. Heureusement, tu as été tenace. Ah, ah, quand tu veux quelque chose, toi. Ah, tiens. C'est moi qui aurais été vexée si tu avais lâché. Oh, mais... Je n'aurais pas lâché. Ah non, n'est-ce pas? Puis d'abord, si tu avais lâché, tant pis pour ma pudeur de femme, je t'aurais couru après. Oui, ça arrive bien si j'avais su. Au moins, tu ne me méprises pas. Moi, tu méprisais. Songe que c'est la première fois. Ah, c'est ça, promets-moi. Promets-moi que tu n'as jamais trompé ton mari. Jamais. Promets-moi que tu ne tromperas jamais. Je te le promets. Oh, je t'aime. Ah, tu me rendras fou. Oh, Francine, par inadvertance, se remet l'appareil enregistreur en marche. Quand verrons-nous comme hier? Eh bien, quand? Ce soir. On peut? À tout hasard, je me suis ménagé une sortie. Oui, j'ai prévenu mon mari que je dînais chez maman et que j'irais au théâtre avec elle. Donc, jusqu'à 1h du matin. Parfait. Ah, seulement pour ce soir, il faudra en passer par le 21 de la rue du Colisée. On va aujourd'hui que je suis plus aguerrie. Et puis en amour, comme en amour. Oh, je t'adore. Il est certain qu'aux galeries Lafayette, le sort des voisines de magasin... Dis donc, ton bail, quelle durée? Quelle durée? Oui. 90 ans. Non, tu n'es pas fou. Veux-tu 3 ans? Veux-tu 6 ans? Non, ça n'est pas assez. Bon, alors, 12 ans, renouvelable tous les 3 ans à ta seule volonté. Ça te va? Soit. Pour commencer. Bon, eh bien alors, 5 minutes, continuez à bavarder. Mais attention, maintenant je suis là dans mon bureau, hein. Ah ah, je vous écoute. Massenet et Francine sont restées seules. Elle est assise sur le sofa. Lui tourne autour d'elle. Il revient vers elle doucement et l'embrasse. Elle se lève. Elle va vers le bureau de son mari. Écoute. Puis revient vers Massenet. Ils s'assoient tous les deux sur le canapé, se regardent longuement et s'embrassent. Eh bien, c'est tout ce que vous trouvez à vous dire? Si, si! Allez, vous ne me dérangez pas! Eh bien, justement, nous avions peur que... Non, continuez. Hein? Parler. Ben oui, mais quoi? N'importe quoi. Alors, c'est un beau lycée que le lycée Saint-Louis? Superbe. Il fut fondé par Hubert d'Harcourt, d'où son nom primitif de lycée d'Harcourt, qu'il ne quitta qu'en 1828 pour prendre celui de lycée Saint-Louis, qui est son nom actuel. Dans le grand vestibule d'honneur, deux portes en bois sculpté portant le nom de ses fondateurs appellent à la génération actuelle. Mais qu'est-ce qu'il prend d'avoir ce ton élégiaque pour faire l'historique du lycée Saint-Louis? De quoi? Mais tu ne t'entends pas, tu dis deux portes de bois sculpté portant le nom de ses fondateurs. Oui, tu en as plein la bouche. C'est ridicule. Ah oui, je ne m'étais pas aperçu. Tu l'aimes donc bien, notre lycée. Mais oui. Tiens, voilà les beaux, je les ai signés, tu n'as qu'à en faire autant. Bon, tu as une plume? Mais non, voyons, tu as une façon de faire les affaires, toi. Examine ça à tête reposée, si nous sommes d'accord, tu n'as qu'à me renvoyer un exemplaire avec ta signature. Comme tu veux. Alors, je ne veux pas abuser de ton temps davantage. Mais tu n'abuses pas, et tu sais, ravi de t'avoir revu. Mais c'est tout comme moi. Madame, je suis très honoré de vous avoir été présente. J'espère, monsieur, puisque nous devons être voisins, que nous ferons plus ample connaissance. Ah oui. Je l'espère aussi. Alors, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Étienne? Étienne, reconduisez, monsieur. Au revoir. Au revoir. Très bien, ton ami. N'est-ce pas? Ah. Dis donc, qu'est-ce que tu penserais d'avoir des relations avec lui? Hein? Oh, moi, je veux bien, mon ami. Ça te va? Eh ben, alors, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... Comme tu dis, mon ami. Eh bien, tu sais, tu me fais plaisir. Ah oui, parce que s'il ne t'avait pas plu, avec les femmes, on ne sait jamais. Ah ça, oui, je te remercie. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi, mon ami. Et maintenant, pour l'amour de Dieu, laisse-moi finir mon cylindre. Ah, ah bon, eh bien, je te dis adieu parce que je vais sortir. Oui, comme je dîne chez maman et que je ne rentrerai pas avant dîner. Ah, madame Penouette, ne rentre pas trop tard. Non, non, tout de suite après le théâtre, elle m'emmènera chez moi. Bon, va. Ah, où en sommes-nous avec tout ça? Tiens, mon cylindre est au bout, mais je vais donc pas arrêter le mouvement, mon ami. Ah, ben j'ai fait du bon travail, alors. Ma chère sœur, ainsi c'est un fait accompli de ce jour de Bonamart. Bien. Ce soir, tu connais pas le grand mystère à toi, rêve, déjà. L'amour, l'amour, il n'y a que ça. Quoi? Les voix et d'autres. Quand nous verrons nous causer. Mais c'est la voix de ma femme. Eh bien, quand? Ce soir? On veut. À tout hasard, je me suis ménagé une sortie. Au nom de et Dieu! J'ai dit mon mari que je suis avec ma maman. Oui, oui! Et que j'irai avec elle au théâtre. Oui, oui! Donc jusqu'à 1h du matin. Mais oui, c'est tout. Parfait! Ah, seulement pour ce soir, il faudra passer par le 21 de la rue du Colisée. 21 rue du Colisée, c'est le ciel qui les trahit! Non, aujourd'hui, je suis plus aguerri. Oh, c'est nom de Dieu! Et puis en amour, sur l'amour. Comment en amour, comment en amour? Je t'attends. Oh, l'infâme, l'infâme! Francine! Francine! Francine! Ouais, on ne répondra pas à la criminelle. La récidiviste. Étienne! Étienne! Eh bien, Étienne! Monsieur? Madame, oui, madame! Madame vient de sortir. Oh, c'est bon, allez-vous en. Parbleu, partie, elle ne tenait pas en place. Elle avait hâte d'en voir son amant. Ah, si je les tenais, tous les deux! Et lui, lui, quel est-il? Voyons, parmi ceux qui viennent ici. Oh! Oh non, c'est pas possible! Et pourtant, si! Oh! Le jésuite! Avec cette timidité de comédie! C'est Couscoulieu, parbleu! Le voilà, le dessous des asperges! C'est Couscoulieu, c'est moi! Oh non, fous le camp! Fous le camp! Je commence à melon! Voilà ce que j'en fais de ton melon! Oh, oh pardon, je l'ai pas fait exprès! Va! Va! 21 rue du Colisée! 21 rue du Colisée! Où elle t'attend? Qui ça? Ma femme, mon apôtre! Allez consommer l'adultère! Ami Félon, prêt! Chasse! Va-tu foutre le camp, nom de Dieu! Étienne, vous voyez cet homme? Si jamais il remet les pieds ici, flanquez-le dehors! Un grand coup de pied quelque part! Oh. Allez! Oh, ça soulage! Vous venez d'en... d'entendre par transmission différée diffusée du Théâtre Antoine à Paris le premier acte de la comédie de Georges Feydeau, La main passe, mise en scène de Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française. Voici à présent le second acte. Au deuxième acte, l'action nous transporte dans la garçonnière de Massenet, rue du Colisée. Entresol coquet, tendre, féminin. Au lever du rideau, la scène est presque dans l'obscurité. Dans le lit à gauche, sont couchés Francine et Massenet, qui dorment tous deux d'un profond sommeil. Soudain, Massenet, agité par un cauchemar, fait entendre des gémissements sourds. Pardon. Attends, je vais te préparer un verre d'eau de fleur d'oranger, ça te remettra. Oh non, tu sais, si t'es somnambule. Ah, je ne suis pas somnambule. J'ai l'habitude de dormir très peu couvert. Toi, tu as voulu garder la couverture ouatée, alors moi, ça ne manque pas, ça me donne des cauchemars. Oh mon pauvre chéri. Alors c'est ma faute. Oh, je suis désolée. Non, je t'en prie. Ne vas-tu pas me plaindre à présent pour un cauchemar? En vrai, une affaire. D'abord, moi j'adore cauchemarder. Ça donne des rêves délicieux. Si c'est du raffinement. Et puis, est-ce que ce n'est pas moi qui suis impardonnable d'avoir eu des cauchemars quand je dormais dans tes bras? Car nous avons dormi, madame, dans les bras l'un de l'autre. Oh oui, comme un petit mari, une petite femme. Oh, ça! Ça, je voulais. Ça m'a semblé si bon de m'endormir ainsi, gentiment, après. Avec la satisfaction de l'oubli du devoir accompli. Oui. Ça m'a changé de mon mari. Non, bah dis donc, je l'espère. Ah, vois-tu, c'est dans ces moments-là que l'on savoure vraiment son bonheur. Si. Ces sommeils-là, c'est le meilleur de l'amour. Aussi, des amants qui n'ont pas dormi ensemble, c'est pas des amants. C'est des gens qui ont eu des rapports. Et ça... c'est ce qu'il y a de moins bon dans l'amour. Non, cependant... Et puis vois-tu, il y a autre chose à considérer. Un bon dodo comme ça, outre la saveur qu'on y trouve, ça donne tout de suite à l'amour une petite allure conjugale, qu'il relève. Ça efface le côté clandestin. Ah, et pour une femme honnête, c'est beaucoup plus convenable. Comme j'aime la délicatesse de tes sentiments. Ah, ah, c'est égal, c'était écrit tout de même que tu devais être mon amant. Moi? On ne dit pas non, c'est le fluide, ça. C'est comme au télégraphe, tu frappes d'un côté, pan-pan, ça correspond de l'autre. Quand tu avais beau être à l'orchestre et moi dans une loge, nos regards se sont rencontrés tout de suite, comme si on s'était prévus. Et c'est sur le champ que mon... ah, mon quelque chose m'a dit... voilà celui qui... positivement. Ah, chérie. Je t'aime. Ah, c'est bon. Et dire que si nous étions mariés, ce serait tous les jours comme ça. Ah oui. Non, tu es heureux, toi, tu es libre. Dis, si j'étais libre, moi aussi, tu m'épouserais tout de suite? Si. Oh, mon chéri, comme ce serait gentil. Pouvoir savourer son bonheur dans toute sa plénitude. Quand on veut et tant qu'on veut. N'avoir pas à se préoccuper du temps qu'on a, de l'heure qu'il est. Ah oui, ah oui, Chardonnay, qu'il faudra peut-être y songer à l'heure qu'il est. Ah, nous avons fait là un gros somme, et il ne faut pas oublier que nous avons fait la permission de théâtre. Or, à vue de nez, il ne va pas être moins de minuit. Déjà. Et à vue d'œil? À vue d'œil? Ah ben, à vue d'œil, il est... quoi? Eh ben... ah non, c'est pas possible, elle bat la breloque. Quoi, il est plus de minuit? 6h du matin. Comment 6h du matin? Mais oui. Mais ne va pas, voyons, nous n'avons pas dormi 7h. Mais non, évidemment, c'est ce que je me dis. Et pourtant, tiens, écoute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle marche. Elle marche, mais elle ne va pas. Enfin, on se rend bien compte à peu près du temps qu'on a dormi. Attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi, 7? Où ça, 7? Il y a que 6! Ah oui, 6, il est bien, 6. Pas, nous sommes bien! Ah, nous, on a un chien, nous, on a un chien! Je suis dans le joli drap! Ah, et ben, et moi, donc? Ou toi, tu n'es pas intéressant, tu es libre! Comment libre? Et ben, et ma femme? Tu es marié? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que... Ah, et puis zut, oui, là! Tu es marié! Marié, il est marié! Mais c'est un femme, je ne veux pas! Vous m'aviez dit que vous étiez célibataire! Ah, ben, je l'ai dit, parce que vous ne comprenez pas qu'on s'est pris d'un homme marié! Il est marié! Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à ma femme? Oh, laissez-moi tranquille avec votre femme! Vous n'aviez qu'à pas vous marier! Mais moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon mari en rentrant? Oh, c'est fou, c'est fou! C'est pas une réponse, ça! Non, c'est fini, je suis une femme perdue! Mais aussi, pourquoi avez-vous voulu dormir? Je n'ai pas demandé à dormir! J'ai demandé à s'endormir! C'est tout autre chose! Oui, mais n'empêche que comme résultat, nous sommes dans un joli pétrin! Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, mon Dieu? Pensez qu'à vous, vous me voyez mortellement inquiète. Mais je le suis bien plus que vous. Je le suis doublement. Je le suis pour vous et pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Comment sortir de là? Ah, ça, il n'y a pas plusieurs planches de salut. Moi, je n'en vois qu'une. Courir chez votre mère, vous êtes censé être. Si nous avons la chance que votre mari ne vous ait pas précédé, vous lui avouez toute la vérité. Moi, oser avouer à ma mère? Jamais! Oh, une mère est une femme. Et toute femme a eu plus ou moins dans sa vie... Maman? Hein? Maman? Deux amants? Non, mais qu'est-ce qui a dit ça? Moi, j'ai bien qu'une mère n'a jamais eu d'amant. Comment elle a pu avoir autour d'elle ses amis qui... Enfin, une mère a des trésors d'indulgence. Pour vous sauver, elle se fera votre complice. Elle enverra immédiatement quelqu'un chez votre mari pour lui dire que vous vous êtes senti souffrant chez elle et qu'elle vous a gardé. Ah, c'est le ciel qui me punit d'avoir trahi mes devoirs. Mais non, le ciel ne se mêle pas de ces choses-là. Il n'est même pas levé, le ciel. Enfin, donnez-moi un peigne, quoi, que je me recoiffe. Tenez, par là. Oh, si je mentire, je jure bien que je ne prendrai jamais plus d'amant. Oh, moi non plus, allez. Moi non plus. Ah. Ils sont sortis tous les deux, la scène reste vide un instant. Et par la porte entre Hubertin, il est totalement ivre. Ah. It's me, Gabby. Don't be afraid. Oh, ce qui fait noir ici, alors. Je ne sais pas ce qu'elle aime à lanterne, mais elle éclaire à l'envers. Alors ça me fait marcher à reculons. Ah, je suis un peu saoul. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, qu'est-ce que je disais? Rien. Ah si, la porte. Hubertin! Ouais. Tu n'as pas fermé la porte? Oh, c'est vraiment mieux. Oui, c'est pas parce qu'on est saoul. On ne doit pas être prudent. Bon, alors attends. Oh, on a un chien. Si elle est loin. Eh ben, ça y est. Elle n'est pas finie. Oh, ben, quoi donc? Oh! Il y a ma clé qui a enflé. Oh. Ah non, c'est la serrure qui fait son étroite. Oh, ma chère. Eh ben, comme ça, on est chez soi. C'est curieux, mais quand on a sa bombe, eh ben, y a des choses qui n'arrivent qu'à ces moments-là. C'est vrai, ça? Hello? Hello? Good night? Ainsi, j'habite au 5e, je n'ai monté qu'un étage, et je suis chez moi. Comment expliquez-vous ça? Eh bien, c'est des choses qui n'arrivent jamais à l'état normal. C'est pas vrai, hein? Il y a longtemps que t'es là. Chut! Il dort. Oh, mon Dieu, que je suis saoul. Eh bien, alors, couche-toi. Quand tu répéteras tout le temps « Dieu, que je suis saoul », ben, personne te dit le contraire. Bon, alors, t'as raison. Je vais me déshabiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mes vêtements! Faut-il que j'en ai une bombe tout de même? Je me suis déshabillé sans m'en apercevoir. Oh. Eh bien alors, Hubertin, puisque t'es déshabillé, tu vas pas rester à te promener comme ça, en bannière pour attraper froid, moi, couche-toi. Bon, là, t'as raison, je vais me coucher. Oh, it's me, Gabi, don't be afraid. Oh, j'ai grandi. Je vais voir une fois d'être tombée sur le lit. Oh, Gabi, what are you doing? Ah! Emile! Emile! Gabi, what's your name? Shalom! Oh! Un homme dans la chambre de ma femme! Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis cocu! Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je suis cocu! Mais c'est mon pantalon! Mais voulez-vous laisser Emile, mes vêtements? Emile! Mais laissez-moi! Emile, je vous en supplie! Ah, c'est mes vêtements! Eh bien, tu vas voir tes vêtements! Mais il prend mes vêtements! Mais... Ah, tu es l'amant de ma femme! Mais qu'est-ce qu'il fait? Emile! Oh! Il a acheté mes vêtements dans la rue! Et maintenant, monsieur, sortez! Mon Dieu, c'est un fou! Un fou! Au secours, au secours! Chut, ne criez pas comme ça, vous allez réveiller toute la maison! Je vous en prie, nous nous en sauvons! Je ne peux pas m'en aller comme ça! Mais non, monsieur, j'attends! Eh bien, attendez, vous allez voir! C'est moi qui vais vous sortir! Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh, vite, le tuyau acoustique sifflait le concert! Oh, tuyau, oui, le tuyau! Et maintenant, monsieur, à nous deux! Oh, Gaffiche! Mais il était sur moi! N'ayez pas peur! Je suis là! Oh! Si vous croyez que c'est ce bonhomme-là qui va me faire reculer! Il y a le concierge qui ne répond pas! Allez! Allez, hop! Hop! Allez, oust! Le nom d'un chien, je... Oh! Ah, mais il est plus lourd que je le pensais! Eh ben! Ah, et ben vous êtes étonnant, tu vous croyez qu'il se laisse faire? Ah. Mais faites donc pas le lourd, voyons! Alors voyons! Ah, c'est pas bientôt fini là-haut! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Sortez-le là! Attendez, je le tiens, ça va pas être long! C'est lui? Non, c'est moi! Oh! Oh, mais attendez! Je connais un autre moyen, vous allez voir! Attends un peu, mon homme. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben je fais. Je fais ce que je peux. Oh. Allez donc chercher la bougie au lieu de demander. Vous voyez bien que je ne vois pas ses coups de poing et que je les reçois dans la figure. La bougie, oui. La bougie. Il n'y a pas moyen de se battre dans ces conditions-là. La bougie, attendez. La bougie, on va se mettre à la bougie. Ah, allons. Et vous ne perdrez rien pour... Voilà la bougie. Oula. Quoi? Je... C'est Hubertin. Quoi, Hubertin? À la ville, mon mari. Eh bien, c'est un rue de chameau. Oh! Quoi? Je ne suis pas chez moi. Hein? C'est donc pas le cinquième ici. Une monde si c'est pas le cinquième. Mais non, monsieur, c'est l'entresol. Mais alors, pourquoi suis-je ici? Quoi? Ben, qu'est-ce que vous avez après moi? Je vous connais pas. Moi, je vous en prie. Est-ce que c'est nous qui sommes allés vous chercher? Ben alors, allez-vous-en. Mais c'est vous, allez-vous-en. Nous sommes ici chez nous, vous entendez? Chez nous. C'est honteux, monsieur, de pénétrer ainsi chez les gens pour se ruer sur eux. Oh! Quoi? Ah. Madame Chanel! Nom d'un chien! Oh, quelle charmante surprise! Et vous allez bien, Madame Chanel? Non, c'est pas moi! Non, c'est pas elle! Et Monsieur Chanel, comment va-t-il? Connais pas! Connaissons pas, nous ne sommes pas Madame Chanel! Comment? Non, madame et ma femme. Ah, excusez-moi, je demande pardon, mais quand on est sous, on voit de travers. Ainsi, vous, je vous vois comme ça, en concombre! Comment, en concombre? Oui! Eh bien, quand on est sous, on n'envahit pas le domicile des gens qu'on ne connaît pas. Mais si vous n'aviez pas pris ma serrure. Moi, j'ai pris votre serrure. Évidemment, puisque ma clé, elle est dedans. Ah, ben, elle est forte, celle-là. Ah, et puis, en voilà assez. Non, ben, nous n'allons pas causer comme ça jusqu'à demain. Ah, c'est pas gentil, Madame Chanel. Je vous défends d'appeler Madame Chanel. Mais je ne sais pas son petit nom. Et puis, vous allez faire le plaisir d'aller chercher mes vêtements que vous avez flanqués dans la rue. Mes vêtements? Oui, mes vêtements. Bon, tu y tiens? Naturellement, j'y tiens. Bon, voulez-vous que je m'en aille? Bon. Oh! Ouais. Ah. Ils sont plus. Qui? Mes vêtements. Oh! Ben, on les a ramassés par le chanson, on les verra, ils n'ont pas pu s'envoler. Ah, c'est drôle! Oh. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Oh! Quoi? J'ai une idée. Hein? Si on faisait un poker. Oh non! Oh. Écoutez, est-ce que ça va encore durer longtemps cette plaisanterie? Allez, fichez-moi le camp. Non mais dis longtemps, je dois être poli, il me semble que je suis poli avec toi, moi, espèce de brute. Écoutez, mon petit garçon, la patience a des limites. Je vous ai déjà infligé une correction tout à l'heure. Si vous voulez que je recommence, allez chercher le commissaire. Voyons, voyez bien qu'il n'y a que ce moyen. Commissaire, oui, vous avez raison, il faut que ça finisse. Alors, Emile, ne me quittez pas. Tu ne veux pas faire un poker? Non. Bon, alors le duel. Allez vous promener. Allez, prends ton revolver, moi je prends le mien. Emile, il est là, un revolver. Il est là. Sauvons-nous. Mon Dieu, je suis... Alors, ouvrons la porte. Mais ouvrez-la, voyons, qu'est-ce que vous attendez? Elle ne peut pas aller fermer la clé. Oh mon Dieu! Mais la clé est dans la rue, dans mon pantalon. Mais alors, nous sommes à sa merci. Ah ben, nous sommes bien. Alors, y es-tu? Oh! habillée, je ne suis pas en tenue. Vous, vous êtes en habit, moi, je suis en chemise. Eh ben? Eh ben, ça me gêne. Elle vous gêne. Enlevez-la! Oh non! Allez, si, si, on va se déshabiller. Moi, on se... Ce sera pas dit que je resterai couvert devant une femme. Émilie, se déshabille, il n'y a pas ça. Alors, voyons. Mais si, on sera plus à l'aise pour faire un peu. Laissez-moi votre je suis insensé. Est-ce que vous allez tolérer ça longtemps? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et maintenant! Au secours! Il y a des courants d'air ici! Cette porte qui est fermée! Mais personne ne viendra donc à notre secours! Qu'est-ce qu'il y a donc en dessous? Qui est-ce qui tire des coups de revolver? Dieu! C'est le ciel qui l'envoie! Mais fermez la fenêtre là-bas! Au nom du ciel, monsieur, au secours, prenez le concierge! Dites-lui de monter avec les agents! Il y a un fou chez moi. Un fou? Oui, un fou. Descendez, monsieur, descendez, qu'on prévienne la police. Je cours. Oh. Oh là là, mon Dieu. Eh bien, où est-il? Où est-il passé? Je sais pas. Cherchent tous deux Hubertin à quatre pattes autour de la chambre. Oh! Il dort! Ben c'est le moment de filer! Ben oui, mais comment, la porte est fermée? Mais puisque les agents vont venir! Et puis je peux pas m'en aller en caleçon! Me prenez ses vêtements, ils sont là qui ne font rien! Ses vêtements, oui! Oh, vous avez raison! Après tout, je ne vois pas pourquoi je me gênerais avec lui! Bon, ben dépêchons-nous! Ma jupe! Sa jupe! Où est sa jupe? Vous voyez que son pantalon est large. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas là pour faire du chic. Bah évidemment, mon frère. Mes souliers. Où sont mes souliers? Mais là, voyons, là, ils ne sont pas sur les meubles. Ah oui, on les voit là. Heureusement qu'il ne l'a pas jeté par la fenêtre aussi. Allons, bon sacré soulier. Qu'est-ce que vous avez? Ah bah je peux pas les mettre sans corne. Ah bah prenez-en une. Mais j'en ai pas. Vous n'avez jamais rien, vous. Alors, bon, imbécile. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le concierge dans le tuyau. Mais faites-le dire, voyons, il va éveiller le cochard. Mais oui, mais tais-toi donc, imbécile. Voilà. Alors, c'est vous? Ça va, mais qu'est-ce que vous attendez, voyons? On a dû vous dire d'aller chercher les agents. Hein? Mais oui, nous sommes enfermés avec un fou. Dépêchez-vous, que diable. Comment? Eh bien, allez jusqu'au commissariat, on vous en donnera. Oh, non, ce concierge, quand il s'en muera... Il me dit qu'il n'a pas d'agent sous la main. Pas moi qui peux lui en donner, bien sûr. Ses souliers. Ah, aussi, on n'a pas idée d'avoir des souliers dans des circonstances pareilles. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ait? Eh ben, on a des bottines. Ah oui, mais... Oh là là, ça m'apprendra à tromper mon mari. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Au nom de la loi, ouvrez! C'est le commissaire! Oh, nous sommes sauvés! Voilà, monsieur le commissaire, voilà! Ouvrez! Diable, j'ai pas la clé! Eh ben, voyons! J'ai pas la clé, monsieur le commissaire, elle est dans mon pantalon! Eh ben, prenez-la! Et je veux pas, mon pantalon est dans la rue! Quoi? Si, il dit la vérité! Alors, allez-vous ouvrir! Mais je ne demanderai pas mieux, monsieur le commissaire, seulement. Oh! Dans la poche du pantalon, la clé du pochard! Mais oui! Puisqu'elle a ouvert d'un côté, elle doit bien ouvrir de l'autre! Voilà! Venez, monsieur le commissaire, voici ce dont il s'agit. À l'instant, entrez, monsieur. Oh, mon mari! Dieu! Massenet, c'était Massenet. Inutile de vous cacher, madame. Ça n'était pas Coustouillu. Vous entendez, madame? Monsieur? Toi, malheureuse. Quoi? Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Alors, parce que tu me trouves ici? Oh, je t'en prie, monsieur le commissaire, veuillez... Le commissaire? C'est ça, une soupçonne? C'est admirable. Ah, c'est bien, monsieur le commissaire, c'est bien, je ne m'abaisserai pas jusqu'à me disculper. Constate. constaté, monsieur, constaté. Mon Dieu, que c'est embêtant. Vous reconnaissez, madame, que vous êtes madame Francine Moustier, épouse Chanal. Je le reconnais, monsieur. Bon, et vous, monsieur? Hein? Ah, moi aussi? Non, monsieur Brénon, votre état civil. Ah, bon, Émile Massenet. Massenet? Oh, non. Non, ça n'est même pas lui. Rentier, demeurant 28 rue de Longchamp. Et vous reconnaissez avoir été surpris tous les deux au flagrant délit? Tout, monsieur le commissaire, tout. Et même davantage, ça vous suffit-il? Ma foi, je crois qu'on serait exigeant d'en demander plus que ça, n'est-ce pas, monsieur? Bon, bien maintenant, monsieur le commissaire, je voudrais bien m'habiller par conséquent. Mais commandant, il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Je voudrais bien seulement, madame et monsieur, passer aujourd'hui entre 1h et 2h à mon commissariat. Monsieur Chanal, vous avez des instructions à me donner si vous voulez m'accompagner. Vous venez, monsieur? Ah, mais oui, monsieur, seulement... Seulement quoi? Ah, c'est mes souliers. Vous n'auriez pas une corne? Monsieur. Bien sûr, monsieur, que je n'ai pas voulu vous passer. Enfin, monsieur, vous voudrez bien vous trouver à 1h au commissariat, n'est-ce pas? Passez, monsieur le commissaire. Après vous, je vous en prie. Je n'en ferai rien. Vous êtes chez vous? Mais pas du tout, monsieur, pas du tout, je ne suis pas chez moi. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Eh ben. Vous pouvez vous vanter de m'avoir mise dans une jolie situation. Ah, mais cher ami, je suis désolé. Oh, mais... je suis désolé. Si vous croyez que ça arrange quelque chose. Je ne vous dis pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Mon cher. Quand un galant homme a en main l'honneur d'une femme, le moins qu'il lui doive, c'est de le sauvegarder. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Oh, tenez, vous m'agacez. Mais finissez donc de mettre vos souliers, voyons. Si vous n'avez pas de camp, prenez une fourchette. Tiens, c'est une idée. Madame, c'est élémentaire. Une fourchette, oui, tiens, j'en ai une par là. Oh là là, regardez-moi ça. Ça veut être un amant et ça ne sait même pas qu'on peut chausser avec une fourchette. Mon Dieu, qu'on est mal dans ce foot. Oh, quelle expiation! Quelle expiation! Enfin, qu'est-ce qu'il fait, voyons, en faillite de vous? Oh non, mon ami, non, moi je descends, on va jouer dans l'escalier. Oh, c'est fait, vous m'avez fait une peur. Vous? Ah oui, moi, qui vous a dit que j'étais ici? Mais votre mari m'a dit, va voir la chouette 21 du Colisée, il m'a dit, on va aller le réseau avec son amant. Oh non, mon ami, non, pas de nerfs, chassez les miens. Madame! Oh, un amant, elle avait un amant. Oh, sur le tonnerre. Et dire que c'est là Jésus. Liberté à son amant. Au secours, ne tirez pas. Pas les gardes. Au secours. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Théâtre Antoine vient de se baisser sur le deuxième acte de La main basse de Georges Feydeau. Nous vous prions d'écouter maintenant le troisième acte de cette comédie. Le décor du troisième acte représente un salon élégant chez les Massenet. Au lever du rideau, la fenêtre du fond est ouverte à deux battants. Il fait grand jour. Marthe, la femme de chambre, est sur le balcon, interrogeant la rue. Sophie, femme de Massenet, en peignoir du matin, les cheveux en désordre, est appuyée au chambranle de la fenêtre. Elle est en proie à l'inquiétude et se lamente. Elle passe. Ah, ça c'est vrai, madame, elle passe. Je ne peux pas dire le contraire. Mon Dieu, mon Dieu. Madame devrait être raisonnable. Madame devrait pas se mettre dans un état pareil. Mais s'il lui était arrivé malheur. Et quand bien même, madame, ça le ferait pas revenir. Oh, vous êtes bonne. On voit bien que c'est pas votre mari. Ah, Auguste, eh bien. Eh bien, rien, madame. Rien. Rien. Et pourtant, j'ai bien fait tout ce que madame m'a dit. D'abord, la tournée des restaurants, tous fermés. Chez Maxime, j'ai trouvé des garçons qui balayaient et un pochard qu'on balayait. Ça n'était pas monsieur. De là, j'ai été, comme madame m'a dit, à la préfecture. J'ai fait la déclaration au bureau des objets perdus. Comment ? Des objets perdus ? Oui, c'est le même bureau aujourd'hui. Pour cause d'économie, on a réuni les deux services. Comme c'est dans le même ordre d'idées. De là, j'ai été à la morgue. Ah ! On n'y avait pas encore vu monsieur. Ah, tant mieux ! Mais enfin, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas désespérer. Qu'il était encore de bonne heure. Alors j'ai laissé le signalement de monsieur. Taille ordinaire, nez moyen, parlant couramment le français, oui. L'anglais, l'espagnol. Ah, j'ai donné le numéro du téléphone, en cas qu'on aurait la chance. Oh, c'est bien. Merci, mon brave Auguste. On a sonné. C'est peut-être monsieur. Mais non, il a ses clés. Ce doit être monsieur Belgence. Faites-le entrer. Oui, madame, oui. Toujours rien, madame. Rien, madame. Ça, c'est la vérité. Je dirais le contraire, que je mentirais. Oh, eh bien quoi, donc, ma pauvre amie, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon ami, je suis folle d'inquiétude. Pardonnez-moi de vous avoir téléphoné à pareille heure. Non, mais comment donc, vous savez bien... Je me sentais tellement désemparée, tellement seule. Alors, voyons. On est des hommes, que diable, tout n'est pas perdu. Et tant qu'il y a de l'espoir, on n'a pas le droit de se laisser abattre. Il faut agir. Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas, mais il faut. Tenez, moi, j'ai agi. J'avais à passer devant le commissariat pour venir ici. Je suis entré. Le commissaire est un de mes amis. Je lui dis, mon cher Planteloup, il faut m'accompagner chez madame Massenet qui a égaré son mari. Oui. Il m'a répondu, je vous suis, et il va venir. Il n'est pas très fort, mais enfin, il est de la police. Il peut toujours nous être utile. Il est mort, mon Dieu, il est mort. Oh oui. Là, mon Dieu, s'il est permis de se mettre dans des états pareils, mon ami. Je vous en supplie pour moi. Ça me fait mal de vous voir pleurer comme ça. Allons, voyons, je vous en supplie. Sophie! Ah, Sophie! Vous savez que je vous ai toujours aimé. Quoi? Ah oui, je vous ai aimé. Je me suis toujours tue parce que vous étiez mariée. Mais puisqu'aujourd'hui, je puis parler... Oh, mais c'est horrible ce que vous me dites là. Hein? Oh, me faire une déclaration en un moment pareil. Comment, j'ai fait une déclaration, moi? Oh, taisez-vous. Oh, est-elle sacrilège? Mais quelle femme pourriez-vous donc que je sois? Vous supposez que j'écouterais favorablement une déclaration? Alors que mon mari n'est plus... Mais non. C'est, vous n'avez pas compris. C'était une façon de vous dire que je vous étais tout dévoué. Que vous pouviez user de moi, compter sur moi. Oh, c'est ça. Dites-moi ça. Oh, voyez-vous, si t'étais trop mal vis-à-vis de lui. Oh, le pauvre cher homme. Oh, il vous aimait bien, allez. Pauvre Émile. Hier encore, il me disait, ce brave Belgence, il n'est pas toujours amusant, mais c'est un bon garçon. Oh, qu'est-ce qu'il aurait pu penser quand il me disait ça hier, qu'aujourd'hui, oui. Eh oui. On a sonné. Marthe, on a sonné, voyons. Oui, madame. Ce doit être monsieur Planteloup, le commissaire de police. Madame, c'est monsieur Planteloup, commissaire de police. Ah. Entrez, mon cher commissaire, entrez, monsieur Planteloup. Vous êtes attendu comme le messie. Voici madame Massenet, dont je vous ai exposé les cruelles perplexités. En effet, madame, monsieur Belgence m'a mis au courant. Croyez que je me félicite de l'heureuse circonstance. Comment ? L'heureuse circonstance ? Eh, madame, pour nous autres commissaires, une cause sensationnelle est une aubaine. C'est souvent l'avancement. Or, il faut bien dire, nous n'avons pas la part égale entre nous. Tenez, j'ai des confrères à Belleville, à Charonne. Mais ils sont vraiment trop favorisés. Ils ont des crimes, il n'y a qu'à se baisser. Oui, monsieur, oui. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça, nous avons un quartier déplorable. Nous manquons d'apaches. Oui, c'est bien regrettable, en effet. Mais enfin, monsieur... Enfin, la veine tournerait-elle de mon côté? Monsieur Massenet, personnalité honorablement connue, vous risque disparition, affaire ténébreuse. Ça peut être superbe. Tenez-moi. Mon ami, asseyez-vous là et préparez-vous à écrire. Voyons, madame. Alors, nous disons que monsieur Massenet aurait été assassiné. Hein? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Évidemment, ceci est le rôle de la police de l'établi. Vous n'auriez pas par hasard un portrait de monsieur votre mari? Et de ce pauvre Émile. De ce pauvre Émile, oui. Je n'en ai qu'un, à l'âge de 7 ans. Ah, c'est un peu tout jeune, il a dû changer depuis. Non, c'est fâcheux, très fâcheux, vraiment. On a sonné. Oh, c'est la sonnerie de la cuisine. Vite, Auguste, courez. Si c'était au sujet de monsieur. Mais, oh, monsieur, je vous demande pardon, mais je suis dans un tel état de nerfs. Je comprends, madame, on ne perd pas son mari tous les jours, n'est-ce pas? Et voulez-vous me permettre, madame, de vous poser une question assez délicate? Allez, monsieur, allez. Est-ce qu'il avait des vices? Qui ça? Ce pauvre Émile. Émile? Émile, des vices? Oui, enfin, t'es-tu joueur alcoolique, rotomane? Oh, mais non, monsieur, mais non. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Mais comment c'est dommage? Eh oui, au point de vue de notre enquête. Oh, mais vous savez, j'avais sifflé. Non, non, ne faites pas ça, Sophie. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est un maçon. Un maçon? Qui rapporte les vêtements de monsieur. Comment? Les vêtements de monsieur? Oui, madame, qu'il a trouvé dans la rue. Oh! Dans la rue! Les vêtements de monsieur! Et monsieur, et monsieur! Oui! Il n'était pas dedans. Ah, non! Mais voyons, c'est impossible, c'est impossible! Madame, autant que j'ai pu comprendre, parce qu'à vrai dire, ce maçon... Quoi? Il ne parle pas le français? Non, c'est pas ça, mais il aboie. Hein? Alors c'est un peu disloqué, tout ce qu'il dit. Mais allez, allez, faites-le entrer, nous verrons bien. Mon Dieu, ces vêtements dans la rue. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On ne peut pourtant pas admettre qu'il se promène tout nu. Bravo, ça se corse, ça se corse. Oh non, mais regardez-le, lui. Il est content, il est content. Ah, c'est vous qui avez trouvé les vêtements. Non, permettez, c'est à moi de poser les questions. Ah non, pardon, je veux lui demander. Justement, c'est moi que ça regarde. Mais enfin, c'est trop fort. Il me semble que ça m'intéresse plus que vous. Oh, madame, je vous en prie, veuillez ne pas empiéter sur mes attributions, n'est-ce pas? Avancez, mon ami. C'est vous, alors, qui avez trouvé les vêtements de monsieur Massenet dans la rue. Enfin, c'est bien ce que vous vouliez demander, madame. Mais oui, monsieur, oui. Eh bien, vous voyez que je pouvais le faire aussi bien que vous. Et au moins, vous ne risquez pas de poser une question inconsidérée qui pourrait entraver la marche de notre enquête. Répondez, mon ami. C'est ce que j'ai dit à madame. Ça veut dire, ça, voyons, Ne faites pas attention, monsieur, dame. Ça me prend comme ça dans les moments d'émotion et puis... Ça passe. Comme c'est curieux. Voyons, mon ami, ce n'est pas le moment de vous troubler. Non, aboyez une bonne fois que ce soit fini. Merci, monsieur, ça va comme ça. Eh bien, alors dites-nous ce que vous savez. Eh bien, voilà. Je me rendais ce matin à mon chantier lorsque, dans la rue du Colisée... À peu près devant le numéro 21. 21 rue du Colisée? Notez. J'ai trouvé ces vêtements que je reconnus devoir appartenir à un monsieur Massenet, 28 rue de Longchamp, grâce au papier que renfermait le portefeuille, contenu dans les poches avec d'autres menus objets. Non, voyons. En effet, voilà son revolver. Oui, tout ça, c'est bien à lui. Toutes les cartouches sont intactes, ceci te rendrait à prouver que la victime a été surprise, puisqu'elle n'a pas eu à se servir de son arme. Et comment se trouvaient-ils là, ces vêtements? Vous ne savez pas? Ah, ça, tout ce que je puis dire, c'est qu'ils étaient là sur le... Oh, voilà que ça le reprend, mon Dieu. Ça allait si bien. Ne vous troublez pas, mon garçon, ne vous troublez pas. Sur le quoi, voyons? Sur le... Sortir. Sur le trottoir. C'est pas difficile, vous voyez, madame le dit. Elle ne sera pas obligée d'aboyer. Ah, tiens, ça va être commode, si à chaque question. Dites-moi, il y a longtemps que ça vous est arrivé? Et cette nuit? Oh non, je parle de votre wah-wah. Ah, c'est de naissance. Ah, c'est ma mère qui a été impressionnée par un lévrier. Un lévrier, oui. Qui lui était grimpé dessus. Oui, je comprends. De sorte que vous auriez né de madame votre mère. Et de ce lévrier. Mais non. Ah non. C'est pendant que ma mère était dans une position intéressante que... Ne vous donnez pas la peine, j'ai compris. Oui, c'est comme qui dirait une envie à l'envers. Une envie dont on n'aurait pas eu envie. Voilà. Non, mais écoutez, monsieur, il me semble que nous sortons de la question. Il s'agit de mon pauvre mari. Mais madame, je suis bien obligée pour étayer mes recherches. Oh, mais c'est drôle, ça. Et en dehors de ces vêtements, vous n'avez rien trouvé. Aucun indice qui puisse nous mettre sur la voie. Pensez bien, mon ami, allez vous asseoir. Et n'aboyez que quand on vous interrogera. Écrivez. Nous, commissaires de police, etc., etc., ayant été avisés de la disparition mystérieuse de M. Masnet. Chut, chut, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, il me semble que j'ai entendu un bruit de clé dans la serrure de la porte du grand escalier. Hein ? Mais non. Si, on marche ! La bougie ! La bougie ! La bougie ! Ah oui, tu vois, ça va bien. Il est tard, hein? Oh, tard? Est-ce possible de me causer des transes pareilles? Oh, à quelle heure rentres-tu, méchant? Non, mais pardon, monsieur. Qu'est-ce que vous venez faire? Monsieur? Mais c'est lui, monsieur. C'est mon mari. Oh, que je suis heureuse. C'est son mari? Ça met ta gueule. Ça ne se fait pas, ça, monsieur. Vous êtes disparu, assassiné. La police est saisie. On n'a pas le droit de revenir comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Eh bien, c'est monsieur le commissaire de police. Tu comprends, on croyait qu'il t'était arrivé malheur. Alors, n'est-ce pas, on ouvrait une enquête? Mais oui. Non, ah, c'est drôle. Eh bien, oui, monsieur, il n'y a plus qu'à la clore, votre enquête. Oh, mais permettez, ça ne peut pas se terminer comme ça. Ce ne sont pas des pantins qu'on fait pirouetter à sa guise. Voyons, plante-nous. Alors, jugez-moi la paix. Comment voilà une affaire des plus sensationnelles? Tant on n'en a pas si souvent. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Je regrette. Mais puisque j'ai la chance d'être encore de ce monde... Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah oui, ça, nous voudrions bien le savoir. Oh, mais pardon, monsieur, si j'en rends compte, c'est à ma femme. Eh bien, va, va. Pourquoi rentres-tu à pareille heure et dans un tel accoutrement? Ah, tu as remarqué. Comment suis-je remarqué? Enfin, tout ça est très louche. Eh bien, voilà. Et d'abord, si j'éteignais ma bougie, il commence à faire jour. Il y a 3 heures qu'il fait jour. Merci, monsieur. Eh bien, va, va. Eh bien, voilà. D'abord, j'ai autant te le dire tout de suite, ces vêtements ne sont pas à moi. Ah, ah, allons donc. Ah, ça. Vous ne croyez pas? Mais alors, c'est... comment? Pourquoi? Eh bien, voilà. Et tout ça, c'est la faute au chemin de fer. Au chemin de fer? Au chemin de fer? Oui, mon ami, au chemin de fer. Et parce que je m'étais laissé aller à m'endormir, n'est-ce pas? Sans réfléchir, qu'il y avait des gens dans le compartiment. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, quand je me suis réveillé, crac, plus personne. Envolé les gens. Envolé les vêtements. Ça sentait le chloroforme. Oh là là, et j'étais revêtu, moi, de ce costume que tu me vois. Il me va pas, hein. Mais à ça, voyons, mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Quel chemin de fer? Hein? Comment quel chemin? Ah! Mais c'est vrai, en fait, je t'ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Oui. Mais figure-toi que... Ça tient du prodige. J'arrive Damien, tel que tu me vois. Damien! Oui, mon ami, Damien. Parce qu'il faut te dire que j'avais été conduire 2 amis à la gare pour l'express de Calais. C'est louche! Mais quoi, c'est louche? Alors, avant le départ, n'est-ce pas, histoire de causer, ils me disent... Montez-nous avec eux dans le compartiment. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Yes. Parce qu'il y en avait un qui ne parlait pas le français, le cadet, comme étant le plus jeune, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, Tipan, que tout à coup, c'est extraordinaire. On ne donne plus le signal, maintenant. Le train s'est mis en marche, là, en sourdine, et blanc, il m'a emmené. Oh, il t'a emmené! Voyez-vous ça? On n'a pas idée de chose pareille. Et encore, j'ai eu de la chance, hein. À Amiens, on a dû stopper pour faire de l'eau. Sans ce besoin providentiel de la machine, j'allais jusqu'à Calais. Mon pauvre chéri. Alors tu devines mon état, n'est-ce pas? Moi je me disais toujours, mon Dieu, ma pauvre petite femme qui... Alors naturellement il a fallu revenir. Et précisément c'est pendant ce retour que mes vêtements... Oui. Voilà, je dormais Il y avait des gens... Ça sentait le chloroforme. Ça sentait le... Eh ben oui, comment le savez-vous? Ben c'est vous qui venez de le dire. Ah, et ben vous voyez, ça concorde bien. Ah, oh, mais c'est épouvantable. Épouvantable. Épouvantable. Mais oui, c'est épouvantable, mais il croit à rien, cet homme-là. Évidemment, c'est très palpitant. Et peut-on vous demander, monsieur, par quel mystère, étant donné que l'on vous dépouillait de vos vêtements entre Paris et Calais, on a pu retrouver les dix vêtements sur le trottoir de la rue du Colisée? Diavolo. Oh, mais oui, en fait. Mais oui. On a, oui, monsieur. Sur le, parfaitement. Tiens. Ça vous la coupe, ça! Quoi, ça me la coupe? Quoi, monsieur? Veuillez donc m'expliquer. Voilà, monsieur, voilà. Oh, si vous croyez que ça me gêne. Ah, ben. J'étais dans le train. N'est-ce pas? Il marchait. Et alors, le. Il marchait même bien. Quand tout à coup. Oh, puis dites-nous, vous m'embêtez, vous, à la fin. Ah, c'est pas, il est là, masticoté. Est-ce que je sais, moi, comment mes vêtements sont allés jouer rue du Colisée, puisque j'étais pas avec eux? Évidemment. D'abord, qu'est-ce qu'il a trouvé, mes vêtements? C'est cet homme. Ah, c'est vous? Oui. Eh ben, alors, vous pouvez le dire. Est-ce que j'étais avec eux? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à faire, le chien? Je vous demande si j'étais avec eux. Non, je dis non. Eh bien, vous voyez, quand on n'est pas ensemble, on est plus responsables les uns des autres. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça me regarde? Je ne suis pas de la police, moi. C'est votre affaire à vous. Comment donc? Vous ne croyez pas si bien dire que voilà une affaire que nous allons instruire sans tarder. Eh bien, c'est ça, si voilà. Ça vous intéresse. Pour moi, du moment qu'on a retrouvé mes vêtements intacts... Ah non, pardon, voyez, laissez ça, s'il vous plaît. Mais c'est à moi. Mais du tout. Mais c'est désormais une pièce à conviction. Mais... Ça appartient à la justice. Mais quel est l'animal qui m'a amené ce commissaire-là? Hein? C'est moi, mon ami. Et toi? Ben, je te félicite, tu peux le rapporter où tu l'as pris. Vous dites? Je parle à monsieur. Oui, moi, je vous parle. Et je vous dis que votre conduite dans tout ça est très équivoque. Vengeance, je vous en prie, arrangez tout cela. Plante-tout, mon ami. Alors, du tout, il n'y a plus d'amis maintenant. Il y a un magistrat qui instrumente. Suivez-moi, le poisson. Et pour commencer, vous voudrez bien vous tenir à notre disposition. Voyons, plante-vous. Non, inutile. Que tu me sois rendu. Ma chérie. Monsieur n'a plus besoin de nous. Non, merci, Auguste. Si, portez-moi mon vêtement à l'intérieur. Oui, monsieur. Et vous, Marthe, du thé bien chaud avec du rhum. Oui, monsieur. Ah, oh, mon chéri. Oh, j'ai cru que je devenais folle. Je ne pouvais pas supposer ce voyage, n'est-ce pas? Bah, évidemment. Oh, mais maintenant, je ne regrette pas les moments d'angoisse que je viens de traverser. Au contraire, je ne sais pas si ce n'est pas salutaire, ces émotions-là. Il me semble que ça retrempe l'amour, qu'on savoure mieux son bonheur après. Vois-tu, il faut vraiment perdre son mari pour comprendre combien on l'aime. Oh, mon chéri. Faites-moi, monsieur. Ah, merci, Auguste. Le thé, monsieur. Ça va bien, monsieur. Mettez ça là. Oui, monsieur. Là. Allez, aidez-moi, monsieur. Mais voyez donc, Auguste, on sonne au téléphone. Oui, madame, oui. Allô? Hein? Ah, parfaitement, oui. Qu'est-ce que c'est, Auguste? C'est la morgue, monsieur. Comment la morgue? Oui, monsieur, oui. Allô? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Comment on l'a repêché? Mais quoi, qu'est-ce qu'on a repêché? C'est pour avertir qu'on a repêché le corps de monsieur. Comment on a repêché? Dans un état de décomposition avancée. Mon pauvre chéri! Ouais, mais c'est pas vrai, voyons, mais ils s'en foutent. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Eh bien, vous dites qu'ils s'en foutent, que ça... Donnez-moi ça. Allô? Bonjour, monsieur. Mon domestique me dit que... Oh, il y a sûrement une erreur. Ah, je vous assure, monsieur, c'est lui-même qui vous parle. Comment? Si vous pouvez en disposer. Oh, ben je crois bien. Disposer, monsieur, disposer. Non, non, du tout, il n'y a pas de mal. Je vous remercie, vous êtes bien aimable. Ils sont très obligeants à la morgue. Ils me disent tout à votre service à une autre occasion. Tu vois tout de même ton équipé. Ah oui, ça, elle a remué le monde, mon équipé. Enfin, ça fait tout de même du bien de se sentir tranquille chez soi après tant de tribulations. On respire. Ah, ah, Mimi, qu'est-ce que c'est? Dieu, il y a un ivrogne. Il y a un ivrogne. Un ivrogne? Oh oui, madame. Et quel lubrique sur moi. Mais qu'est-ce que vous dites, Marc? Il m'a pris une fois, madame. Et voyons. Oh, mais c'est la vérité, il dirait le contraire, que je mentirais. Hubertin, encore Hubertin, non, ça va pas recommencer. Émile, je t'en prie, va voir ce que c'est, mets-le à la porte. Oh oui, par exemple, ça ne va pas traîner. Non, non, il va pas tout seul. Oh, qu'est-ce, oh, qu'est-ce. Madame. Vite, il y a un ivrogne qui s'est introduit dans la maison. Un ivrogne? Allez avec monsieur, vite, vite. Venez avec moi. Ah, et bah par exemple, alors celui-là. Oh mon Dieu, quelle journée. Ah, je vous jure, Marthe, que je m'en souviendrai. Oh, ça c'est la vérité, madame, et je dirais le contraire, que je C'est peureux les femmes. Oh, du thé. C'est gentil d'y avoir pensé, ça. Après une nuit de pompe, une tasse de thé, ça remonte. Non, merci. Jamais de sucre dans mon thé. Ah, j'avais du bien, alors. Et un peu froid. Allez, un peu froid, le thé. Ouh, oh, monsieur, là. Oh, vous, par exemple, vous allez fiche le camp et un peu vite. Oh, Émile, tu sais, faut pas me parler comme ça. Attendez, hein. Je vais mettre des gants. Allez, filez ou je vous fais sortir par mon domestique. Émile. Y a pas d'Émile, d'abord. Je vous défends de m'appeler Émile. Vous ne me connaissez pas. Oh, maman. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Écoute. Non. Mais je voudrais poser une question. Rien du tout. Non, une question et je pars. Ah bon, ben alors, dépêchez-vous. Pourquoi tu m'as pris mes vêtements? Hein? Moi, je... Évidemment, puisqu'on les a pas retrouvés dans la chambre. Comment? Alors, les vêtements que monsieur avait, c'était... Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, de quoi vous mêlez-vous? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Puisqu'ils viennent d'Amiens, mes vêtements. Oh, moi, ce que j'en fais, c'est pour moi. Non, non, c'est Gabi qui m'a flanqué à la porte en me disant « Tu ne rentreras que quand tu auras retrouvé tes vêtements. » Bon, bon, bon, ça va bien. Je vais vous en faire donner, les vêtements. Mais à une condition. C'est que vous fichez le camp après. C'est juré. Oh, oh. C'est juré. Cochon. Bah, oh, oh bah non, on se quitte. Oh, non, mais qu'est-ce qui a donné mon adresse à cet homme-là? C'est notre concierge. Notre concierge. Ouh. Ah, bah, c'est celui-là, quand je le reverrai. Il est parti. Alors, bon, ma femme. Oh, madame Poirier. Chut, taisez-vous. Monsieur, tu es là tout seul avec lui. Il ne t'a pas fait de mal, au moins. Non, non, il est très raisonnable. Oh. Taisez-vous, mais ne reste pas là, Sophie, ne reste pas là. Non, non, jamais de la vie. Je ne dois pas te laisser seul. Oh, mais à quoi donc est-ce que je pense? Je suis là avec mon chapeau et mon par-dessus. Alors bon. Mais dans un salon, c'est parfaitement incorrect. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Vous voulez garder ça. Les convenances. Vous voulez garder ça. Les convenances avant. Oh, oh, il n'a pas de vêtements. Oui, oh, tu sais, il a livré sa pudique. Allez, pied, mon chapeau et mon par-dessus. Non, tu ne peux pas rester là, Sophie. Bon, enfin, voyons. Vous n'avez pas honte devant ma femme? Ta femme? Où ça, ta femme? Mais là, madame. Ah non, mon vieux. Ta femme, tu me l'as déjà présentée cette nuit. Quoi? Ou alors t'es bigame? L'animal. Comment, qu'est-ce qu'il raconte? Tu lui as présenté ta femme cette nuit? Mais non, voyons, il ne va pas croire maintenant à toutes les stupidités qui peuvent germer dans le cerveau de ce pochard. Ah, excusez, je vois ce qu'il dit, alors. Cogne, foulard, rebut de l'humanité. Vous ne rougissez pas de votre turpitude? Oh, tu parles comme ma femme. Eh bien, elle a raison, votre femme, si elle vous parle ainsi. Oui, bah si, ça fait moins honte. Tu m'en diras jamais autant que je le mérite. Oh, je ne suis pas digne de décroter la boue de tes souliers. Mais absolument. Car je ne suis pas seulement un ignoble pochard, je suis aussi un grand criminel, un assassin. Hein? Quoi? Mais j'ai tué un homme. Mon Dieu. Vous? Un homme? Et pas de la petite bière, un député, un nommé Coustouillu. Il a tué Coustouillu, Émile. Mais si, et toi aussi je t'ai tué. Moi? Oui, tu veux pas me le dire pour pas me faire de la peine. Oh, c'est bien avec tes morts. Alors. Oh mon pauvre! Ah, mais ça va bien, oh, non, la période larmoyante, non, ça va bien! Oh. J'étais dans le lit, tout tu m'as giflé! Et alors? Et oh! Je suis la honte de l'humanité! Cet homme-là, monsieur. Ah, je n'en sais rien, mais il sera cause de ma mort. Mais il ne peut pas rester là, monsieur. C'est un danger pour la société. Faut le chasser. Bah, évidemment, mais comment? Oh, le revolver. Il l'a lâché. Oh, quelle idée. Passez-le-moi. Oui, monsieur. Vite, Auguste. Oui, monsieur. Ah, Et maintenant, ça ne va pas traîner. Allons, voyons, assez sangloté comme ça. Oh, laisse-moi, je veux pleurer ici jusqu'à ma mort. Vous irez pleurer jusqu'à votre mort, où vous voudrez, mais hors de chez moi. Allez, filez ou gare à vous. C'est ça, insulte-moi, brutalise-moi, je l'ai mérité. Ah, point les gardes, c'est moi qui ai le revolver maintenant. Filez ou je tire. Va tire, je suis prêt à mourir. Non, mais je ne ris pas, vous savez, point les gardes. Mais tire donc, va d'abord, je crains pas les balles. Quand je suis sous, je suis blindé. Ah, mais je ne me contente pas de tuer. Où va-t-il, voyons. Mais parfaitement. Mais tire, qu'est-ce que j'attends? Oh, et puis dites-donc, je tirerai si ça me plaît. J'ai pas l'ordre à recevoir de vous. Oh, ben alors, fais pas tout chichi. J'ai soif, venez de pied, apportez-moi un brandy soda. Alors, voilà, puisque la diplomatie ne sert à rien, il faut employer les grands moyens. Allez, prenez-moi cet homme-là et jetez-le dehors. Moi, monsieur? Oui, vous. Mais je pourrai jamais, monsieur, mais il est trop lourd. Mais si, tenez, rien de vous deux. Je vais le prendre par les genoux et vous par les aisselles. Je veux bien essayer, mais j'ai bien peur. Non. Oh, allez. Bah quoi donc? Allez. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Ne l'occupez pas, vous. Bah oui, ça va tout seul, il ne pèse rien. Peut-être sous les genoux, mais sous les aisselles, il doit bien peser ses 100 kilos. Dans 108. Ah, qu'est-ce que je disais? Monsieur, quoi? Monsieur, j'en peux plus. Un peu de quoi? Je lâche tout. Auguste, je vous en sonne. Ça marchait si bien. C'est fini les montagnes russes. Zut. Bien, bien. Tu vois, nous sommes en train de le sortir. Mon Dieu, c'est pas encore terminé. Ah, bah si tu vois que c'est commode. Pas d'accident, moi, pas de blessé. Non. Eh bien, que voulez-vous, Auguste, je ne vois qu'un moyen. Il faut t'envoyer chercher des déménageurs. Oui. Ah oui, monsieur, je ne vois que ça. Garçon, mon brandy soda. Oh, quelle idée, hein? Monsieur, veut-il me permettre? Ben oui, quoi, faites. Oui, monsieur, oui. Le brandy soda de monsieur est servi. Brandy soda? Où ça, mon brandy soda? Par ici, monsieur. All righty! Un brandy soda! Et voilà! C'est pas plus difficile que ça! Bravo, les gars! Attends, le prestement et faites le filer par l'escalier de service! Oui, monsieur! Oh là là là là là! Ah non, mon ami, c'est assez de secousses pour un seul jour! À qui le dis-tu? On a sonné, Émile! Alors, bon, quelle nouvelle tuile encore? Non, assez comme ça! Y a plus de danger? Non! Eh ben, vrai, mais c'est pas pour dire! Ah oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur Coustouillu! Non, le chien, qu'est-ce qu'il vient faire? Oh oui, lui, il peut entrer! Non! Mais pourquoi pas? Je dis bien, faites-le entrer! Si monsieur veut bien entrer! Mon Dieu, est-ce qu'il saurait quelque chose? Ah, toi, il faut que je te parle! Eh bien, mon ami, pourquoi c'était ralenti? Non, rien, bonjour, chemin, je vous pardon, je suis un peu, vous savez. Donc, si vous saviez par quelles émotions nous venons de passer, une espèce de pochard! Oui, mon ami, j'ai besoin de toi, je me bats! Quoi? Vous? Oui, je ne peux pas dire pourquoi. Plus tard, peut-être, si le scandale éclate, mais jusque-là, c'est un nommé Hubertin! Hubertin? Ah, c'est Hubertin? Tu le connais? Pas du tout! Non, Hubertin? C'est la première fois que nous entendons ce Oui, c'est un joli monsieur, croyez-moi. Vous verrez que tout à l'heure. Un enré des Oui, oh, mais j'aurais sa peau, moi. Calme-toi, non, mais Émile, tu ne connais pas ça. Voilà, c'est fait, je suis arrivé à la maison. Il m'a dit son nom, il s'appelle Hubertin. Hubertin, vous avez dit Hubertin. Qu'est-ce que tu me fais? Attention, voyons. C'est qui va me cacher. Mais qu'est-ce que tu vas entendre avec ton Hubertin? Il te poche mis en rêve, ma parole. Il a dit Vertin. Ça n'a aucun rapport. Bertin? Il a dit Bertin? Hein? Oui. Oui, monsieur, oui. Oui. C'est drôle, ça. Qu'est-ce que c'est que ce Bertin-là? Bertin-là, c'est un mendiant. Pauvre vieux mendiant à qui je fais donner des vêtements. Tu n'as jamais vu le mendiant à domicile? Tiens, veux-tu lui donner quelque chose? Non. Eh ben alors, laisse-nous tranquille. Oui, enfin... Allez, expédiez votre pauvre homme, Auguste. Et dès que ça sera fini, prévenez-moi. Mais monsieur, il ne veut s'en aller qu'après avoir fait un poker. Ah, qu'est-ce que vous voulez, mon ami? Faites un poker. Mais je sais pas jouer. Bah, qu'est-ce que ça fait? Vous savez la même? Eh bien, qu'il joue au poker, et vous à la valise. Il est complètement sous de son Allez. Alors, bon, encore la sonnette. Je vois revenir à cette affaire, voilà. Nom d'un chien, les chanals. Voilà exactement ce qui s'est passé. Attends, voilà des personnes que je dois recevoir tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes avec qui j'ai rendez-vous. Tiens, veux-tu emmener Coustouillu par là? Le temps de les expédier, je suis à toi dans ce livre. Soit. Vous voulez venir avec moi, mon cher Coustouillu? Oui, mais fais vite, Émile. Tranquille. Surtout pas un mot du pochard. Pas tranquille, j'ai compris. Cette journée, mon Dieu. Je me dérange? Non, du tout. Entre, Francine. Madame. Oh, appelle-la Francine. Si je n'étais pas là, tu l'appellerais Francine. Eh bien, ne te gêne-toi pas pour moi. Écoutez, mon cher, je comprends l'ironie de vos paroles. Je conçois que vous m'en vouliez et je suis prêt. Moi, t'en vouloir? Et pourquoi, mon Dieu? Oh, parce que ma femme et toi, vous avez eu... Mais voyons, voilà une affaire. Qu'est-ce que ça prouve? Que ma femme t'a plu? Eh bien, mon vieux, pourquoi ne t'aurait-elle pas plu? Elle m'a bien plu à moi. Je ne te dis pas, mais... Laisse donc, il faut être philosophe, surtout devant ce qu'on ne peut pas empêcher. Tiens, assieds-toi, ma chérie. Écoute, moi, je ne sais pas, mais tu me stupéfies. Laisse donc. Ah, je ne dis pas que sur le moment. Oui, j'ai vu Rouge. Vous auriez été là chez moi, je vous aurais tué tous les deux. Seulement, vous n'y étiez pas. Vous m'avouerez que c'était difficile à exécuter en votre absence. Mais alors, ça m'a permis de réfléchir et je me suis dit, mon vieux, tu l'es. Chalasse. Mon ami. Mais laissez, il faut savoir appeler les choses par leur nom. Je me suis dit, ça y est. Et tout ce que tu diras ou rien. Donc, le mieux est de faire contre fortune bon cœur. Au fond, ces enfants, ils n'ont pas fait ça pour t'embêter. Oh non. Mais je le sais bien, mes pauvres petits. Et alors, si vous n'avez pas fait ça pour m'embêter, c'est donc vous vous aimez. Et j'irai, moi, me mettre en travers pour vous en empêcher, allons donc. Chalal. Mais voyons, ce n'est pas parce que j'ai éprouvé un déboire conjugal que je vais obéir à de vils sentiments de représailles. Non, non, non, non, il ne s'agit plus de moi maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit de ton bonheur, il s'agit de celui de ta femme. Oh, il pense même à ma femme. Comment? J'irai briser l'avenir de deux êtres qui ont tout pour être heureux? Jamais. Mais écoute, tu es sublime. Il est sublime. Sublime. Mais non, il faut être comme ça. Moi, j'estime que le mariage est comme une partie de baccarat. Tant que vous avez la veine, vous gardez la main. Après une série plus ou moins heureuse, arrive un monsieur, plus vénard, qui prend les cartes contre vous, il gagne le coup, la main passe. Eh bien, c'est ainsi que j'entends qu'il en soit. J'ai perdu le coup. Il y a une suite. Tu prends les cartes. La main passe. La main? Quelle main? Eh bien, parbleu, mais celle de ma femme. Elle est à toi, je te la donne. Hein? Ben, évidemment, puisque tu l'épouses. Moi? Moi, épouser ta femme, mais tu es fou, tu plaisantes? Pourquoi ça? Mais est-ce que je peux, voyons? Mais je suis marié, moi. Tu es marié? Madame. Ah, diable, c'est embêtant. Ça. Ah, c'est embêtant. Hey, dame Chancel. Ah, tu es marié. Mais oui, mon pauvre vieux. Oui, oui, oui, oui, oui. Eh bien, je ne dis pas, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? Ça ne me regarde pas. Tu étais bien déjà marié quand avec ma femme, tu... Ouais. Eh bien, mon vieux, tant pis pour toi, il fallait y réfléchir avant. Ah, ben, elle est forte, celle-là. Non, mais je ne peux pourtant pas devenir vegan. Eh bien, divorce. Mais c'est fou. Mais tu es fou. Mais il est fou. Enfin, voyons. Pour moi, vous savez... Moi, je ne connais qu'une chose. Quand un homme a été la cause du divorce d'une femme mariée, il lui doit l'épouser. Mais quand je le voudrais, dans la chaîne, il y a ma femme, qu'est-ce que tu veux que j'aille lui dire? Tu n'as qu'à lui dire ce qui s'est passé, je t'assure que ça simplifiera tout. Ah non. Non, mais si ça te gêne, veux-tu que je m'en charge? Non, non, non, non, je t'en remercie. Y a pas, mon vieux. Choisis où tu épouses ou alors tant pis pour toi, je t'ai pincé les tribunaux. Dans les deux cas, nous arrivons au même résultat. Seulement, au lieu de pouvoir te dire je me suis conduit en galant homme, tu as sur la conscience de voir agi comme un pillou. Mais c'est du chantage. C'est tout ce que tu voudras, mais il faut choisir. Non, monsieur, qu'est-ce que c'est? Des commissionnaires avec des mâles. Comment les mâles? Eh bien, je sais ce que c'est qu'ils entrent. Ce sont les mâles de ma femme. Hein? Bah, tu vois, mon vieux, la porte, c'est mal. Allez, décide-toi à quelle chambre lui donner. Mais jamais de la vie, mais aucune chambre. Pouvez-vous rapporter ça, vous autres? Pouvez-vous rapporter ça? Non, pas du tout, n'écoutez pas. Je vous dis de rapporter ça. Bon, bon, ça va bien, allez-vous. Oh, non, non, tu sais, Chanel. Ah, mais pardon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, non? Alors, bon, ma femme. Oh, pardon. Monsieur Chanel, ma femme. Ma femme, Madame Chanel. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces mâles? C'est pas des mâles. Mais comment c'est pas des mâles? Ah, c'est des mâles, mais... Oui, ce sont les mâles de ma femme. Non, c'est mâles? Bah quoi, veux-tu que je me dise? Non. Eh ben alors, dis-lui, Kodia. Ah, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu de chaud, je sais. Eh bien, va. Voilà, voilà, c'est mon ami Chanel. Mon vieil ami Chanel. Mon vieux camarade de collège. Salaud. Il vient passer quelque temps à Paris avec ses mâles. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu dis? Mais si. Mais du tout, du tout. Mais je t'ai dit que si. Mais non, voyons, voici madame. Ah, oh, et puis on va lâcher. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de qu'est-ce que tu dis. Ah, mais pardon. Oh, pardon, toi-même. Monsieur, monsieur. Oh, mais dis donc, oublie, moi. Mais on m'en rendra fou, Mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais le regarde! Mais mes amis, mais quelqu'un laisse se tenir du même! Pourquoi mais c'est pire que la chambre, vous avez vu! Monsieur Planteloup! Encore lui? Non, le chien, qu'est-ce qu'il vient faire? Monsieur Massenet, vous vous êtes moqué de moi! Quoi? Votre voyage à Calais n'est qu'une balançoire! Vous avez été bel et bien surpris cette nuit rue du Colisée, en flagrant délit d'adultère, avec l'épouse d'un monsieur Chanal! Oh, c'est bien lui! Oui. Qu'est-ce que vous dites? Bah oui, quoi, tout le monde le sait! Tu as été surpris, toi, à Mira! Oh. C'est bien, monsieur! N'attendez de moi ni colère ni violence! Tout est fini entre nous! Sophie! Tout! Suivez-moi, monsieur le commissaire! Nous avons ordre, madame! Enfin, voyons! L'amant, c'était vous? Quoi? Chef! Oh, par exemple, tiens. Oh, pour sauver le témoin. Et vous les miens. Eh ben, tu vois, mon vieux, la main passe. Oh. C'était le troisième acte de La main passe de Georges Feydeau, diffusé du Théâtre Antoine à Paris. Voici maintenant le quatrième et dernier acte de cette pièce. L'acte 4 que vous allez entendre nous reporte dans le décor du premier acte, le salon des Chanal. Au lever du rideau, Chanal, seul, est assis dans un fauteuil. On sent qu'il est en visite. Son chapeau est posé près de lui sur la table. Il jette un œil distrait sur les journaux illustrés, tire sa montre, pousse un soupir, s'impatiente. Il se lève enfin et va sonner. Cette chaise, elle n'est pas à sa place. Ah là là là là là là là là là. C'est monsieur qui a sonné? Oui, dites-moi, Étienne, vous êtes bien sûr que madame doit rentrer? Oh, sûr, monsieur, pour déjeuner. D'ailleurs, madame m'a bien recommandé pour monsieur. Elle m'a dit, monsieur, mon ancien mari doit venir vers une heure, vous le ferez attendre. Vous le ferez attendre ou je le ferai attendre? Alors, vous le ferez attendre. 2h15. Je m'étais pourtant dit, j'écris que j'arrive à une heure. En arrivant à 1h30, j'ai des chances que... Eh bien, non, il n'y a pas moyen d'être en retard avec madame. Je trouve encore moyen de poser 3/4 d'heure. Monsieur sait, même du temps de monsieur, madame, pour l'heure... Oh. Ça a exaspéré monsieur plus d'une fois. Moi? Oh. Non, monsieur, actuel. Ah? Oh. Oui, eh bien, je ne suis pas fâché qu'un autre voit un peu ce que c'est. Mais dites-moi, Étienne, qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle n'est pas d'ici, elle est du petit salon. Ben, c'est madame qui l'a mise là. Oh, c'est drôle, c'est une manie de ne jamais laisser les choses à leur place. Ah, monsieur, ce qu'on dit cette fois, nous autres, à l'office. Mais c'est des choses qu'on est forcé de se dire à soi-même. Enfin, voilà une chaise qui appartient au petit salon. Qui... Oui, oh, puis après tout, je ne sais pas de quoi je mêle, ça ne me regarde pas, je ne suis pas chez moi ici. Dites-moi, Étienne. Monsieur. Et à part ça, ça va ici? Mais comme ça, monsieur. Ah? J'ai ma femme qui m'a donné un garçon. Ah, votre... Oui, enchanté. Non, je parlais de madame. Pas mal, monsieur. Ah, eh bien, tant mieux. Oui, je peux dire qu'elle a eu une grossesse très dure. Qui? Ma femme. Ah, votre... Oui. Bon, oui. Un enfant qui est venu avant terme, à 5 mois. Vraiment? Oh, mon pauvre Étienne, tant de souffrances pour rien. Comment pour rien? Mais il est superbe, monsieur. Il pesait 11 livres en venant au monde. À 5 mois? Oui, monsieur, c'est un cas très rare. Le médecin m'a dit que c'était très heureux qu'il soit né à cette époque. Sans ça, il aurait été trop gros, on n'aurait pas pu l'avoir. Voyons, à 5 mois, vous devez vous tromper. Oh, impossible, monsieur, les dates sont là. Ma femme a été pendant 10 mois dans le Midi et elle n'est revenue qu'il y a 6 mois. Ainsi. Ah, en effet. Elle était chez ses maîtres à Montpellier, alors. Oui, évidemment, si elle était chez ce... Qu'est-ce qu'ils font, ces maîtres? Ben, il est officier de l'Armante. Oui. Ah, il me ressemble beaucoup. L'officier? Oh non, le petit. Ah, le petit, ah, eh bien, mais c'est bien, ça. C'est une attention. Car enfin, rien ne l'y forçait. Ah, évidemment. Monsieur est bien bon de s'intéresser à moi. Oh, vous savez, en attendant madame... Ah, tiens, justement, voici madame. Ah, mon cher, je vous demande pardon. Étienne, je meurs, apportez-moi n'importe quoi sur un plateau, je mangerai ici. Bien, madame. Mon pauvre ami, je te... Ah, Je vous fais toutes mes excuses. Il y a longtemps que vous êtes là. Trois quarts d'heure. Oh, tant mieux, je craignais de vous avoir fait attendre. C'est que vous avez mal choisi votre jour. Votre lettre m'est arrivée ce matin, et juste, j'avais deux essayages et un enterrement, que je n'ai pas pu remettre. L'enterrement surtout. Comme vous dites. Les Duchambelles, vous savez. Oh, tous? Oh non, pas tous, vous êtes gourmands, vous. Non, la vieille, c'est déjà suffisant. 18 millions qui tombent. Mon bon ami, ça me fait plaisir de vous voir. Mais moi aussi. On a beau dire, voyez-vous, quand on a été mari et femme, eh bien, ça crée des liens. Comment, si ça en crée, mais indissoluble? La loi a beau les rompre, la nature est là qui crie, c'est pas vrai. Mais au fond, il n'y a que le premier mari qui compte. Eh oui. Et la preuve qu'il en reste toujours quelque chose, c'est que je suis ici. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je devrais y être? Moi, l'ex-époux de la femme remariée? Car enfin, qu'est-ce que je viens faire? Vous demandez votre signature pour ces titres que nous n'avons pu négocier au moment du divorce et que nous avons laissé indivis jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, c'est un bon prétexte, mais ça n'est qu'un prétexte et ça n'est pas moi qui aurais dû, c'est mon avoué. Et oui, je le sais bien, mais je n'ai pas pu y résister. Il y a trois jours que je suis à Paris et je me suis dit, il faut que j'en profite pour aller les voir. Mon bon Alcide! C'est parfaitement incorrect, contraire à tous les usages, mais bah, du moment que ni la femme, ni le premier mari, ni le second ne le trouve mauvais, au diable ceux qui s'en choqueront. Quant à moi, si ça me fait plaisir de revoir celle qui fut ma femme, armée. Oui, enfin, de la revoir en bon camarade. Ah, mon petit vieux, tu es toujours gentil, toi. Elle vient. Qu'est-ce que tu veux? L'habitude. Oui, mais alors, dans ce cas, il faudrait peut-être demander à Massenet. Oh, bah tant pis pour lui s'il n'est pas content. Est-ce qu'il t'a demandé la permission à toi autrefois pour... Oui. Et c'était bien plus grave. Si ça l'était. Bah alors. Oh, mais tu as mille fois raison, tutoyons-nous. Ah, je regrette bien qu'il ne t'ait pas demandé la permission alors, parce que tu aurais dit non, évidemment. Bah évidemment. Et je serais encore ta femme alors qu'il est. Eh oui. Ah, je n'ai pas su t'apprécier, vois-tu. Ah, si les maris pouvaient laisser leur femme avoir un ou deux amants pour leur permettre de comparer, il y aurait beaucoup plus de femmes fidèles. Beaucoup plus. Oui, évidemment, ce serait la sagesse, mais tant que le monde sera monde... mais ça, voyons, ça ne va donc pas ici? C'est pas drôle tous les jours. Quoi, Massenet? Oh, insupportable, tout le temps des scènes. Lui qui était si large d'idées quand c'était toi qui étais en jeu. Eh ben, faut le voir maintenant qu'il y est pour son compte. Ombrageux, jaloux, voyant le mal dans tout, et sans raison, naturellement, comme toujours, car enfin, je lui suis fidèle, je ne le trompe pas. Oh ben, je te le dirai, n'est-ce pas? Je ne me gênerai pas avec toi. Merci. Eh bien, je t'avoue qu'il y a des jours, quand il m'a bien poussé à bout, où il me prend des envies de me jeter dans les bras du premier homme que je rencontrerai. Qu'au moins, il soit jaloux pour quelque chose. Oh, voyons, Francis. Il est bête avec ça. Ici, il ne reçoit plus un ami parce que c'est des hommes. Ah. Comme si ça n'avait jamais empêché quelque chose quand une femme a ça dans la tête. Oh, tout en plus coustouillu parce qu'il n'est pas dangereux. Ah, vraiment, coustouillu? Oui, après s'être battus ensemble, ils se sont réconciliés à l'occasion de mon mariage. Et comme coustouillu bafouille plus que jamais, il est tranquille. Mais vraiment, comme distraction. Bah, au fait, comment se fait-il que tu n'aies pas vu Émile? Il était donc déjà sorti? Je ne sais pas, Étienne m'a dit qu'il n'était pas là. Ah, alors, ça ne va pas. Oh, tu dis ça comme si ça te faisait plaisir. Non. Oh. Oh, et puis au fond, pourquoi mentir? Évidemment, ça me chagrine un peu pourquoi, mais d'un autre côté, je serais tout de même très vexé si tu venais me dire, à mon ami, comme je suis plus heureuse que de ton temps. Égoïste. Bah, si tu veux, on est homme. Voici, monsieur. C'est bien, posez ça là. Ah, enfin. M'apporter un peu de viande froide sur un plateau, Étienne. Bien, monsieur. N'ai pas encore déjeuné, moi, à l'heure qu'il est. Mais dis donc, Massenet, c'est comme ça qu'on me dit bonjour? Bonjour, Chanal. Je ne sais pas si c'était comme ça de ton temps, mon cher. Mais voilà à quelle heure on peut se mettre à table avec madame. Tu n'avais qu'à te mettre à table sans moi? On n'est pas mariés pour prendre ses repas chacun de son côté. En tout cas, si tu avais été là, il y a déjà longtemps que je suis rentrée. C'est faux, il y a un quart d'heure, le concierge me l'a dit. Ha! Si tu interroges le concierge... Enfin, où es-tu étais? Demande au concierge. Rachid! Quoi? Oh! Allons, mes enfants. N'allez pas choisir le jour où je viens pour vous disputer. Oh, mais il ne choisit pas. Oui, tu vas me dire comme d'habitude que tu as déjeuné chez ta mère. Eh bien non, car j'en reviens, moi, de chez ta mère. J'ai voulu en avoir le cœur net. S'il n'y a pas déjeuné depuis samedi. Si c'est pour m'apprendre ça que tu es sorti, tu pouvais aussi bien rester chez toi. Je te ferai remarquer que j'ai déjeuné ici tous les jours. Et comme j'ai l'habitude de ne déjeuner qu'une fois... Enfin, Quant à aujourd'hui, voilà un plateau qui m'attend. Si tu avais pris la peine de regarder avant de parler. Ah bon, soit, je sais pas si je vais déjeuner ou pas déjeuner, cela importe peu dans l'espèce. Mais tout cela ne m'explique pas ce que tu peux bien faire dehors tous les jours jusqu'à les heures indues. Oh ! Vous devez écouter mes enfants. Non, pardon. Je vais chez mon amant. Là, es-tu content ? Je commence à le croire. Quoi ? Bah, après tout, ce ne serait pas le premier. Qu'est-ce que tu dis ? Parfaitement. Oh ! Moi, j'ai eu des amants ? Oui, toi. Qui le ment ? Mais moi. Oh ! Oh ! Parfaitement. Oh, c'est lui ! Lui qui me reproche ! Non, il ne s'agit pas de... Bon, bah oui, ça va bien, quoi, quand vous aurez fini de valser. Posez cela ! Ah, bah oui, monsieur. Alors j'ai mis du sel, de la moutarde... Ça va bien, ça va bien, ça va bien, merci, merci. Il ne s'agit pas de reproche. Mais j'ai dit que ce que tu as pu faire pour moi, tu as bien pu le faire pour d'autres. Voilà ! Voilà, tu l'entends ? Non, non, mais écoute, Master, comment peux-tu ? Non, mais mon ami, c'est très joli de le faire au beau sentiment, mais n'empêche qu'on raisonne quand je dis qu'on n'est pas mieux qu'un autre, et que si une femme a pu une fois, oh. Parfaitement, surtout quand on la voit sortir tous les jours. Bah, écoute, mon vieux, c'était déjà comme ça de mon temps, alors... De... Oh, bah, elle est bonne. Si tu crois me tranquilliser en me disant ça, on sait bien ce qui se passait pendant ce temps-là, je peux en parler. Et tu ne t'en doutais pas ? Eh bien, qui me dit qu'il ne s'en passe pas autant sans que je m'en doute ? Ce n'est pas elle qui viendra me le raconter, bien sûr. Oh ! Et voilà comme il me récompense de tout ce que j'ai fait pour lui. Quand je pense que j'étais la femme d'un honnête homme, que pour cet être, j'ai foulé aux pieds le bonheur de cet honnête homme. Je l'ai trompé, oui, oui, trompé. Non, mais écoutez, mes enfants, si on ne parlait pas de moi... Et pourquoi l'as-tu trompé ? Pourquoi ? Parce que je t'aimais. Tu m'aimais ? Oui, je t'aimais, oui. Ah, tu m'aimais ? Elle m'aimait. Ah, que je goûte peu cette conversation. Malheureusement, je t'aimais. Je le paie assez cher aujourd'hui. Non, le grand tort que nous avons, nous autres femmes, c'est pour amant de toujours chercher un homme que nous aimons. Alors que la vérité serait d'en chercher un qui nous aime. Ou de n'en pas chercher du tout. C'est pas toi que j'aurais dû choisir, c'est Coustouillu. Coustouillu qui m'aimait, lui, n'est-ce pas ? Oh. Qui se rongeait pour moi, lui, ah ! Ah, qui ne m'aurait jamais reproché, lui, ah ! Mais, allons le chercher, ton Coustouillu, il est encore temps. Il est toujours là, tu sais, tu peux le prendre. D'abord, mets-toi bien en tête que je le prendrai si je veux. Tu l'entends ? Tu l'entends ? Ta femme ! Et puis tiens, je te préviens charitablement, mon ami, tu joues là un jeu dangereux. Oh. À force de corner sans cesse aux oreilles d'une femme qu'elle doit prendre à l'amant, il arrive qu'elle finit par se familiariser avec cette idée. Mais prends garde, quand une femme a ça dans la tête... Dis-donc quand elle a ça dans le sang. C'est pour moi que tu dis ça? Oui, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Courtisane. Oh, oh voilà, si. Quoi? Ça, je ne permettrai pas qu'on parle à ta femme comme ça devant moi. Oh, mais pardon, mon petit. Tant qu'elle a été ta femme et qu'elle a eu des amants, je ne me suis pas mêlé. Comment, des amants? Je n'en ai eu qu'un. Qu'un? Eh bien, c'est un de trop. Oh! En tout cas, maintenant, je t'en prie. Laisse-moi diriger mon ménage comme je l'entends. Je vous en supplie. Oh, putain, tu as raison. Je ne sais pas pourquoi je m'abaisse à discuter. Mais oui, comment donc ? Comme si vous ne feriez pas mieux de déjeuner. Absolument. De manger votre viande, là, tant qu'elle est froide. C'est vrai, ça, quand je me serais rendu malade. Eh bien, ce sera une bonne occasion pour dire que c'est de ma faute. Mais as-tu fini, toi ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Non, c'est le chat. C'est elle qui tout de suite s'emporte, parce que je me suis permis de demander timidement. Oh, timidement ! Si on n'a même plus le droit de poser une question, maintenant. Oh, mes enfants, quand on pense que la vie est si courte, et que vous vous la gâchez à plaisir, et tout ça pour rien, pour rien. Si vous pouviez prendre l'habitude de vous expliquer simplement au lieu de partir tout de suite en guerre... Combien de fois l'ai-je dit ? Et à commencer par toi, si tu devais me dire simplement où as-tu été, ma chérie ? Mais c'est ce que j'ai dit. Où as-tu été, ma chérie ? Oh, pardon, pardon, tu as dit où as-tu été ? C'est-à-dire que si tu m'avais dit simplement où as-tu été, ma chérie, pour venir déjeuner à 3h de l'après-midi, elle t'aurait répondu, mon chéri, là, comme deux amours, j'ai été à l'enterrement des Duchomel. Non, l'enterrement des Duchomel ? Mais oui. C'était toujours lui ? Madame. Ah, diable, je l'avais complètement oublié. Ha ! Tu m'as inscrit ? Naturellement, je t'ai inscrit. Oh, c'est bête, ça. Eh ben, tu vois, allez, hop, Comment? Allez, allez, allez. Mais non, j'ai pas fini, mais j'ai pas fini, voyons. Là, là, oh. Depuis maintenant, vous allez faire la paix. Ah, non. Allons, fini, toi. Ah. Allez, à ton tour, Francine, voyons, allons. Oh. Non, mais j'en préviens, un jour ou l'autre, t'as toujours un mauvais tour. Alors, alors, fini. Là, allez, embrassez-vous. Quand il m'aura poussé à quelques coups de tête, il sera bien avancé. Ah, tu l'entends? Tu l'entends? Je le regretterai peut-être après, mais il sera trop tard. Oh, mais je suis prévenu, j'aurai l'œil. Oh, mais oh, oh, tu auras l'œil. Juste assez pour n'y voir que du feu, comme tous les maris. Il n'y a qu'à voir, quand ça arrive, c'est toujours celui-là qui soupçonne le moins. N'est-ce pas, Alcide? Oh, non. Écoutez, mes enfants, je vous en prie, laissez-moi. Qu'est-ce que j'ai, Madeleine? Voilà l'ordre que madame a demandé. Elle n'était pas dans l'armoire. Marie l'avait mis dans la lingerie pour la repasser. Comment ta robe? Mais tu n'as pas l'intention d'être habillée ici, je suppose. Pourquoi pas, il n'y a personne? Comment personne? Eh bien, lui? Oh, lui, il me connaît. Mais oui, moi, je ne compte pas. Ah, non, tu ne comptes pas, tu ne comptes pas. Oh, monsieur a été assez longtemps le mari de madame. Il ne vous demande pas votre avis, à vous. Oui, ça n'a aucune importance, allez. Bon. Très bien. Si tu trouves ça normal... Quoi, tu es jaloux de moi? Non, du tout, du tout. C'est pas... Je trouve que dans un salon, ah ben, ça va très bien. N'en parlons plus. Et à part ça, mon cher Chanel? Ah, bon. Quoi de neuf? Ah, gros malade, mais rien. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Oui, longtemps. Un an? Un an, oui, moi aussi. Mais naturellement, toi aussi. Ah, naturellement, oui. Ouais, écoute, mon vieux, laisse ma tête tranquille. Je te demande pardon. Mais c'est vrai, ça. Là, la Madeleine, agrafez-moi. Oh, madame, j'ai peur. Hein. Les doigts d'une cuisinière, c'est toujours un peu gras. Si monsieur voulait. Bon. Bouge pas, toi. Ah non, non, pas lui, il est trop maladroit, non. Bon, parfait. Tiens, Alcide, veux-tu? Oh, volontiers. Tandis que Chanal agrafe la robe de sa femme, Massenet tourne jalousement autour. Ah, puis non, non, non, non. Ah, oh, voilà, c'est... Ça, tu es fou? Allez, allez. On va la faire. Rencontrez-moi tout ça, il faut que vous vous plus. Oui, monsieur. Allez, allez. Dans le voir, si on va longtemps, je m'inquiète moi ici. Ah, en tout cas, tu fais bien tout ce qu'il faut pour ça. C'est possible, mais je t'ai épousé et tu m'obéiras. Prends garde, ne me pousse pas à bout. Parce que? Parce que j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Oh, mais moi aussi, j'en ai assez. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tu l'auras voulu. Oh oui, je connais le refrain, tu prendras un amant. Eh bien, prends le don, c'est à moi, puisque tu en meurs d'envie. Prends-le une bonne fois et que je te pince. C'est tout ce que je demande. C'est bien, tu n'auras pas à me le répéter deux fois. Attendez. Épouse Massenet, c'est de la folie, on ne défie pas une femme. Fiche-moi la paix. Mais voyons, Massenet, quel bâton de poulailler, Massenet. Non, il n'aura pas à me le répéter deux fois. L'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile, l'imbécile. Justement, monsieur, madame, monsieur. Couche-toi, c'est le ciel qui l'envoie. Non, pardon, madame, je n'en peux. Venez, j'ai à vous parler. Moi, mais. Vous m'aimez, n'est-ce pas? Bah, non, non. Comment non, non, non? Oui, enfin, je ne sais pas. Mais... C'est bien, je suis à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira. Qu'est-ce que vous dites? Allez, allez, c'est non psychologique, profitez-en. Oh, c'est pas possible. Oh, oh, c'est... Oh, non, non, non, non, oh, non, non, mon ami, non, non, vous n'allez pas vous trouver mal. Oh, c'est non, pas le moment. Oh, non, non, non, mais Francine, mais c'est possible. Mais oui, mais oui. Oh, c'est ça. Allez, oh, allez. Oh. Allez, allez, allez. On sonne. Vite, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Du monde, venez par là, nous avons un truc. Mais Francine, oh, mais Francine, allez, viens, toi, viens. Quand je te disais qu'on ne défie pas une femme. Ah non, mon ami, je t'en prie, si c'est encore pour me reparler de ma femme. Mais voyons. Oh, belle chance. Oh, oh attends, mon ami, oh, voilà. Écoute, Massenet, je t'en conjure. Non, mais écoute, tu vois, j'ai un ami à recevoir ici. Mais ça pressait quand je te répète que ta femme... Eh bien, je m'en fiche de ma femme. J'en ai assez, j'en ai par-dessus la tête. Mais justement, il s'agit de ta tête. Eh bien, tant mieux, ne t'occupe pas de ma tête et va par là. Bon. Ah, bon, bon, belle chance. Tu m'apparais comme le rayon de soleil. Mais qu'est-ce que tu es devenu depuis un an? Mais tu as assez lâché. Tu sais, dans la vie. Et ma première femme, tu la vois toujours? Qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien voilà, justement, je venais t'annoncer, j'ai l'intention de me marier. Ah, mon ami, prends garde. Connais-tu bien seulement la femme que tu vas épouser? Oh oui, oui, oh oui, oh. Je t'assure, c'est ta femme. Hein? Sophie, ta première femme. Tu veux épouser ma femme, toi? Eh bien, oui, quoi. Ah bon? Bon, ben, allez, mes enfants, allez, mariez-vous. Après tout, je m'en fiche, qu'est-ce que ça me fait? Vous êtes libre. Oui, ça, je le sais. Seulement, c'est Sophie. Elle a tenu absolument à ce que je vienne te demander ton consentement. Mon consentement? Eh oui. Ah bon? Pour moi, ben, c'est entendu, je t'enverrai un papier. Je te ferai un certificat. C'est ça! Je vais lui dire ça tout de suite, elle m'attend au volant d'une voiture. Ah, et là, oui, pour ne pas perdre de temps. Oh, si au lieu d'écrire, ça ne t'ennuyait pas de descendre deux étages? Moi? Ah non, par exemple. Pourquoi non, est-ce qu'elle est montée, elle? Oh, elle n'aurait pas osé. Et pourquoi ça? À cause de ta femme. Francine? Ah ben, est-ce qu'elle se gêne, elle, pour m'amener ses anciens maris? Tiens, j'en ai un ici en ce moment. Alors, ça n'aurait pas eu? Bon, voyons, quand vous venez en fiancée. Oh, si j'avais su. Mais écoute, si ça peut t'obliger, veux-tu que je lui fasse demander de ta part? Ce serait gentil. Bon, c'est très facile. C'est tout à fait gentil. Je t'en prie. Monsieur a sonné. Oui, Étienne. Téléphonez au concierge qu'il y a en bas une dame dans une voiture qui l'a pris de la part de Monsieur Belgeance d'avoir la complaisance de monter. Bien, monsieur. Pardon. Ah non, mon ami, non. Si c'est encore pour me reparler de ma femme. Mais non, non, puisque tu ne veux pas, mais un mot, rien qu'un mot. Bon, eh bien, alors, dis vite. Eh bien, je. Ah, pardon. Monsieur Chanal, l'ancien mari de ma femme. Monsieur. Monsieur Belgeance, le futur mari de la mienne. Monsieur, je vous félicite. Moi de même. Et maintenant, qu'est-ce que tu voulais? Rien, seulement je suis là, tout seul. Eh ben, prends un journal, lis. Oui, mais d'habitude, quand je lis, je fume. Tu n'as rien, là, moi, j'ai oublié mes cigarettes. Tu sais bien que je ne fume pas. Oh. Ah, si, dans la crédence, je croyais encore des cigares, même qui viennent de toi. De moi? Oui. Oh, parfait. Monsieur, ne vous dérangez pas, et tous mes vœux. Tous mes compliments. Je te demande pardon, monsieur. De rien. En tout cas, je puis te certifier une chose, c'est que bien des fois, Sophie a regretté devant moi d'avoir été aussi intransigeante avec toi. Ah oui? Bien des fois. Non, c'est vrai. C'est assez. Ah, ça... Vous. Le concierge m'a dit... Non, dites-moi, est-ce vrai, ce que me dit Belgeance, que vous regrettez, que si ça avait été aujourd'hui... Quoi me parler? Belgeance vient de m'affirmer. Oui, mon ami, c'est moi, je sentais que... Mais je ne sais pas. En tout cas, je ne l'avais pas chargé. Oh, mais alors pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait? Pourquoi avoir été si inflexible, hein? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Car enfin, est-ce que je méritais tant de rigueur? Pour une folie d'un moment, pour rien. Et cela sans vous demander si je n'allais pas être très malheureux. Là, Maslen, il est là! Tais-toi donc, toi! Oh! Car enfin, vous saviez bien que je vous aimais. Oh! Vous m'aimiez! Mais oui, je vous aimais. Mais oui, je t'aimais! Oh, mais dis donc, je suis là, moi! Tais-toi donc, voyons! Ah, mais... Tu m'aimes, pas assez pour t'empêcher de chercher des diversions ailleurs. Mais qu'est-ce que ça prouve? Oh, naturellement, pour vous autres hommes, ça ne prouve jamais rien. Moi, oui. Moi, je t'aimais. Oh! Pas si profondément, puisque tu as su t'en guérir. Moi? Et que ça ne t'empêche pas d'épouser Belgeance. Ah, mais à la fin! Belgeance, qu'est-ce que ça prouve? Il le sait bien, Belgeance. J'ai beaucoup d'affection pour lui, mais je ne l'aime pas. C'est vrai? Mais alors, tu n'as pas le droit de l'épouser? Comment? Elle n'a pas le droit. Ah non, ça, elle n'a pas le droit. Ah, mais dis donc, ce n'est pas pour lui dire ça que je t'ai prié de la faire monter. Ah, ça m'est égal. En ce moment, c'est ton bonheur même que je défends. Mais enfin, tu me prends ma femme. Ah, tu es superbe. Mais c'est toi qui me prends ma femme et non pas moi qui te prends la tienne. J'étais son mari avant toi. Oui, absolument. Quand je pense que tout à l'heure, je me dévouais pour son bonheur, maintenant qu'il s'agit d'une autre, monsieur pense à lui. Moi qui vous croyais tant de qualité. Je vous demande pardon. Non, je ne vous en veux pas, c'est votre caractère. Seulement, je suis heureuse d'avoir appris à vous connaître. Allons, au revoir, Rémi. Au revoir, Sophie. À bientôt. Oui. Vous me reconduisez? Oh, je peux tout de même? Mais oui, vous êtes toujours notre... Ah, bon. Alors, au revoir, ça va. Ah, non. Oh, bon, mon vieux, ton air. Ah non, tu sais, tu aurais mieux fait de nous dire ça tout de suite. Ingrat. Chanal! Chanal! Voilà! Ah, mon ami, tu vois un homme éperdument amoureux de sa femme. De Francine? Non, mais non, pas de Francine. Qu'est-ce que tu me changes avec Francine? Mais non, de Sophie, de ma première femme. Hein? Francine, ah ben, je te remercie. Celle-là, quand je pourrais divorcer... Oh, bien du train où vont les choses. Quoi, du train? Quel train? Quel train? Pas plus tard qu'il y a 10 minutes, là, ta femme avec Coustouillu. Coustouillu, qu'est-ce que tu me changes? Il l'étreignait dans ses bras, il la couvrait de baisers. Oh, Coustouillu? Ah, tiens, tu me fais rire. Mais rire, nous verrons bien. Eh bien, tant mieux s'il en est ainsi. Après tout, qu'est-ce que je cherche? Le divorce. Eh bien, comme ça, ça fera le bonheur de tout le monde. Francine regrettait son couche-touillu, elle pourra l'épouser, et moi, je répouse ma femme. Mais tu n'as pas le droit. Parce que? Parce qu'on n'épouse pas sa première femme du vivant de la seconde. Eh bien, tant pis pour la loi si la loi le défend. Nous nous aimerons quand même. Nous serons des épouses illégitimes, et voilà tout. Ma femme. Et voilà. J'ai choisi un amant. Aha. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour ça, tu m'as bien poussé à bout. Tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Demain, ce sera chose accomplie. Ah, c'est demain. Merci de m'en prévenir. Mais, tu n'en crois pas un mot? Mais si, mais si, mais si. Mais pourtant, c'est l'exacte vérité. Parfait, parfait. Et quel est celui qui... Ah, ça, ça c'est mon secret. Tu ne penses pas que je vais aller te le dire? Oh, pardon. Tu vois, c'est bien ça, c'est Coustouillu. Ah, ouais, de Coustouillu. N'empêche que si tu le voyais revenir ne bafouillant plus et parlant comme tout le monde... Oh, monsieur Coustouillu. Allez, tiens, inutile de balancer. Bonjour, mon cher Master, comment ça va aujourd'hui? Quel temps, un soleil radieux! Je pense à monter, peut-être je me suis dit, tiens, je vais lui serrer la main. Oh, mais tu as bonne mine, c'est vrai, il a bonne mine, hein? Il parle? Il parle. Oh, chala, alors venant, ben ça alors! Oh, tu parles! Quant à vous, chère madame, tu permets, je vous ai gardé pour la bonne bouche la dernière. Vous allez bien depuis hier? Faites attention, voyons, vous ne bafouillez plus. Non, vive. Mais pourquoi tu remets-tu à bafouiller? Je vais t'expliquer, depuis quelque temps, je suis à traitement pour ça. Et tu vois, ça va beaucoup mieux. Mon Dieu, les pauvres! Non, mais ce n'est pas tout ça, voilà ce qui m'amène. J'ai une idée et je voudrais savoir si elle t'agrée. Pardon, quoi donc? Tu trouves pas qu'amis comme nous sommes, nous demeurons beaucoup trop loin les uns des autres? Hein? Non, mais tu as un autre sol à louer. Qu'est-ce que tu dirais de m'avoir pour locataire, hein? Quoi? L'imprudent! Oh, mais à la bonne heure! Un ami comme toi, je crois bien. Parle-moi de ça! Pour un ami! Non, mais quel rôle joue-je, mon Dieu, quel rôle joue-je? Et quand veux-tu ça? Mais tout de suite, j'emménage demain et je couche après-demain. Et tu couches après-demain? Parfait, parfait, parfait. Ah, diable, c'est qu'après-demain, je ne serai pas là. Non, je passe toute ma journée jusqu'au lendemain à Rouen. Ah? Oui, oh, mais au fait, tu n'as pas besoin de moi. Le concierge sera là pour t'installer. Oh, oui, t'inquiète pas. Attends, je vais m'occuper de ça tout de suite. Merci. Ah, le malheureux. Mercredi soir, alors. Soit. Oh. Et alors, toi, qu'est-ce que tu écris là? C'est mon bail? C'est ton bail. Oh, c'est mon bail. Oh, c'est... Monsieur le procureur de la République. Chut, et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le demandes. Exactement ce que tu as fait pour moi. Le flagrant délit? Ah, mon cher, je suis de ton école. Le mariage est une partie de baccarat. À lui les cartes, la main passe. La main passe. La main passe. La main passe. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter par transmission différée le spectacle actuel du Théâtre Antoine à Paris, Madame Simone Berriot, directrice. Vous avez entendu La main passe, pièce en quatre actes de Georges Feydeau. Voici quelle en était la distribution par ordre d'entrée en scène. Jean Brochard, Chanal, Micheline Prel, Francine, Jean Silver, Étienne, Robert Arnoux, Hubertin, Bernard Lajarige, Coustouillu, André Luguet, Massenet, Jean Landré, le commissaire, Elina Labourdette, Sophie, Micheline Uccioni, Marthe, Jacques Muller, Auguste, Ulrich Guttinger, Belgeance, Robert Seller, Planteloup, René Camoin, Lapige et Germaine Lancet, Madeleine. Mise en scène réglée par Jean Meyer, sociétaire de la Comédie Française. Régisseur de la scène, Eugène Durand. Nous vous rappelons que c'est M. André Ransan qui assurait la présentation de cette transmission.